Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Floodcast. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo. Bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oh, c'est la rentrée, c'est la rentrée, c'est la rentrée. Oh, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Floodcast, un numéro de rentrée. Après de magnifiques vacances. J'espère que tout le monde a passé de très belles vacances. Vous êtes, je le disais avant, vous êtes beau. Ça se voit que nous sortons d'agréables vacances. Exactement, des vacances. Surtout toi, Adrien. Parce que je sais que tout à l'heure, tu as cru que je parlais bien. Non, mais parce que t'as dit, vous êtes tous. Et après, tu m'as regardé, t'as dit, plutôt beau. Non, c'est faux. C'est totalement vrai. Comme à l'accoutumée, Adrien et moi sommes accompagnés de trois invités que je m'en vais vous présenter. Elle est comédienne, autrice et même récemment podcast. Avec ses histoires chiantes pour dormir. Le deuxième tome de son livre Icon est en librairie. True Story saison 2 arrive sur Amazon Prime. Vous la connaissez sûrement pour ses chroniques d'une fille ludique. C'était il y a 10 ans, mais putain. Et je ne comprends toujours pas ce titre, parce qu'en quoi tu mais étais moi ludique. Non plus, parce que je pensais pas que ça allait marcher, j'ai mis le premier truc qui me venait. Mais... Bon, en tout cas, elle nous expliquera peut-être ce que veut dire ludique. C'est Natou. Ah oui. Quel accueil, oh là là. Natou qui a un record dans cette émission, puisqu'elle a, c'est l'invité qui a fait le plus d'émissions qui n'ont pas été enregistrées. Donc deux fois. Deux fois, donc peut-être parlons-nous actuellement dans un vide inconsidérable. Peut-être tu portes la poisse. Peut-être tu portes. Sachant qu'il y a du nouveau matériel. Il y a un indice qui porte à croire que c'est peut-être la troisième fois. Alors il faut savoir qu'il y a une heure avant l'enregistrement, ma mixette, qui coûte quand même 800 euros, ça j'en parle à Zoom quand même, 800 balles. ne s'est plus allumé. Voilà, est-ce tout que simplement. Tu l'avais branché. Et alors, dis-toi que oui. Au bout de 20 minutes, je me dis ah mais non, mais je l'ai pas branché. Est-ce que tu l'as mis dans du riz? Non, je l'ai pas mis dans du riz. Mais elle ne marchait plus, donc j'ai dû courir et pour courir, monter sur un vélo et rouler comme un dingue et à courir, Star Music de Clichy. Ah, très bonne boutique d'ailleurs. Bah, du coup, j'ai acheté cette petite mixette un peu moins chère et qui marche extrêmement bien, bien pour le moment. Est-ce qu'elle enregistre ça? Nous on l'espère. T'as testé quand même. Moi, je trouve que j'ai testé. T'as été plutôt rapide et tout pour faire les réglages. Sans déconner, il est très efficace. Hein. Je suis extrêmement efficace. Tu l'as dompté cette mixette. Et surtout, j'ai remarqué qu'il y avait donc du coup des effets sur la table. Et j'espère qu'on pourrait les utiliser. À tout moment. Par exemple, si tu veux que des gens t'applaudissent, tu peux faire ça. Voilà. C'est de la pluie sur moi. Alors, faut que ça dure plus longtemps. Adrien, est-ce que tu peux dire quelque chose pour qu'on t'applaudisse? Et Macron. Macron, ouais. C'était à plein de sous-entendus, bien sûr. Hein. Je célébrais pas le président. Je suis de gauche, hein, c'est pour ça. On l'a répété des centaines et des centaines de fois dans cette émission Squeezie First. Et pourtant, il n'était jamais venu nous voir. On est ravis de l'accueillir enfin. En plus de YouTube et Twitch, c'est dans la musique qu'il évolue en ce moment même. Chaque phrase qu'il prononcera ici sera un article programme-tv.net la semaine prochaine. C'est Squeezie. Ouais. Hashtag pas d'article. Pas d'article. Les médias qui écoutent là, pas d'article. Pas d'article. Les gens ont dévoré son album tout l'été comme de la mid pain. Oh et contre l'amorosité ambiante, il est le mid saint généraliste qui nous prescrit comme médicament born loser. Au JO de l'électro, il est mid hider. On l'a écouté du Nord-Pas-de-Calais au Midi-Pyrénées. Oh, oui. Il est le j'ai plus rien. C'est mid. Oh, ouais. Je trouve que tous ces jeux de mots étaient médiocres. J'applaudis toute seule. Je trouve qu'il y en a qui ont aimé, il y en a qui n'ont pas aimé. C'était un peu mid fig mid-raisin. J'ai raté en vol. J'ai raté. Ça peut être ton deuxième album, mid fig mid-raisin. Mid-raisin. Bah, mid-pain, je l'aime vraiment énormément. J'ai une petite mascotte qui s'appelle mid-pain dans mon studio. Ah ouais. Qui est un petit personnage avec un visage en forme de tranche de brioche. Et elle est du merch. Et encore du merch pour mid. Ça, il sait faire. Ouais. Et par contre, les casquettes, il les envoie pas. Il les envoie pas, on les paye à Citadium. 30 balles. C'est ça. Natou, Squeezie, Mid, que des pseudos pour nous inviter aujourd'hui. Alors, passez-moi de vous présenter celui que l'on surnomme Adriflute, Ménielic, le clubbeur, ou bien encore l'enculeur de chien. C'est Adrien Méniel. Ouais. C'est fou parce que le clubbeur m'a fait plus mal que enculeur de chien. Parce qu'il encule des chiens, c'est pour ça. Chers amis, nous allons passer à la première. Personne ne rebondit en fait. Personne n'est genre, ouais, ok. Tout le monde fait. Ok, ouais. Vu ses stories, c'est plausible. On passe à la première partie de l'émission, c'est l'actualité du Floodcast. Bien sûr. Les news du Floodcast. Incroyable. Attention. C'est ta voix? C'est ma voix, pitchée avec cette machine que nous utilisons actuellement. C'est pas vrai. Ah non, non, mais je l'ai déjà fait ça. T'as vraiment fait ça 20 minutes avant qu'on arrive. Je maîtrise cette machine extrêmement bien. Voilà, je vous le dis tout de suite. T'es un beatmaker. Une vraie question par rapport aux voix de cette époque. Oui. Pourquoi ils avaient tous des voix pitchées comme ça? Non, mais c'était pas parce que c'était de la radio AM au lieu bah de la non, FM. Parce que ça change pas particulièrement le pitch de la voix. Pourquoi? Parce que même quand on regarde des films ou des trucs, ils parlent tous comme ça. Ouais, mais j'ai envie de se pousser. C'est un truc technique. Ils avaient un flow différent. Eh bien, je vais vous répondre. Non, mais en vrai, sachez que le langage évolue. T'as la voix de Sarkozy un peu. Et encore, fallait dire. T'as eu un peu la voix de Sarkozy. En plus, je crois qu'il fallait dire la langue évolue, même pas le langage. C'est même pas réussi. C'est vrai. Non, vraiment, c'est intéressant sur les vidéos de Lina. Qui est la Lina à situation, bien sûr. Ça ne s'arrête jamais. Tain, c'est la rentrée. C'est vrai que tout le monde parle comme ça. Tout le monde. Mais il y a un truc, c'est un truc technique. J'avais lu. Oui, c'est vrai. C'est un truc d'enregistrement qui fait que genre il y a certaines fréquences qui sont. Mais je n'en suis pas sûr. Ouais, je suis pas sûr. Ah, moi, j'en suis sûr par contre. Non mais en vrai, j'ai vraiment lu un article qui expliquait. Je saurais pas le répéter, mais je sais qu'il y a un truc. Il y a une raison technique à ça. Donc calmos les mecs. Voilà. Donc ça veut dire qu'ils entendaient leur voix, elle était vraiment différente de quand sûrement, ils parlaient. Ouais. Mais déjà ils articulaient plus. Mais non mais ils articulaient plus. Attendez, j'ai trouvé un terrain d'entente. Vas-y. Il est juste. Mais là au milieu de la table. Le terrain d'entente est là. Et il est ici. À mi-distance entre Adrien. À mi-distance. C'est déjà le meilleur épisode. Je me mets des patates là. Je pense que c'est les deux. Oui, wow. Non, mais c'est vrai que c'est à mi-distance. Wow. Non mais t'as fait. Il y en a un qui doit faire de la politique là-dedans. Le négociateur. Allez, c'est les deux. Après une intense réflexion, c'est pas un peu des deux, hein, c'est juste les deux. Non, c'est les deux. C'est les deux. C'est... Il met tout le monde d'accord. Le mec, là, on l'envoie en Palestine, il fait bon allez, c'est les deux. Terminé. Il a gagné. Allez, premier article, le programme TV. Covid, chers amis, au Brésil, un homme a été arrêté pour une raison bien particulière. À votre avis, laquelle? En rapport avec le Covid. Il a photoshopé le QR code de son test PCR. Pas du tout. J'ai vu qu'il y avait une méthode. Si t'arrives, j'ai fait un row ignoble. D'accord. Pardon. Très bien. Tu vas le sentir. Je suis navré. Bah, pardon. La technique que tout le monde utilise, ils le mettent en fond d'écran, j'ai vu. Ah oui. C'était la technique pour pas se faire chier. Est-ce que certains se sont fait tatouer, du coup, le truc du pass sanitaire? Alors, apparemment, il y a un gars qui s'est fait tatouer le truc du. J'ai niqué la question. Pas du tout, non, tout va bien. Non, mais je l'ai vu passer ce truc-là. Je savais pas si c'était des rumeurs. Franchement, se faire tatouer ça, c'est vraiment comme quand tu mets des ports USB dans tes prises chez toi. C'est vraiment un truc qui va être assez vite obsolète et qui servira plus à rien. J'ai ça chez moi. Allez, balle perdue. J'ai très mal actuellement. Ça m'a profondément blessé. Et je trouvais ça cool jusqu'à ce qu'il y ait l'USB-C. C'était cool. T'as ça chez toi aussi? Ouais. Dans la prise au mur. Dans la prise au mur, premier degré. Non, en vrai, moi j'ai pas dans la prise. Moi j'ai un truc, j'ai genre des rallonges avec des prises USB. Moi aussi j'ai ça. Mais voilà, ça, donc ça. Tu critiques. Mais tu m'imites. Oh le voleur. Mais tu m'imites. Oh oui. Il a failli passer à la trappe. Ça aurait été dommage. J'aurais été très triste. Pour mon premier. Donc non, ce Brésilien n'a pas été arrêté pour ça. Il ne s'est rien tatoué du tout. Mais il a fait quelque chose d'illégal. D'illégal, oui. D'illégal. Est-ce qu'il a toussé? Non, il n'a pas tout fait. En dehors de son coude. Est-ce qu'il s'est fait? Mais parce qu'on l'a déjà eu cette question, je crois. Je te pointe du doigt si j'ai envie, en fait. Dis tout. Non, il s'est fait tatouer un masque sur le visage. Non, pas du tout. Masque. Non, ça c'était un prank, souviens-toi. Du youtubeur. C'est un youtubeur qui avait fait un prank dans un pays. Il s'était colorié un masque sur le visage. Il est allé ni plus ni moins qu'en garde à vue. C'est à Singapour, je crois. Ouais, c'est ça. C'est une bonne vidéo. Très bonne chute. J'ai envie de voir la vidéo. Est-ce que c'est un rapport avec le carnaval? Pas du tout. Le pays a rien à voir, à part le fait que le Brésil est très présent là-bas. Le carnaval de Rio. Le Covid de l'année d'ailleurs. Oui, bien sûr. Non, le Covid est très présent au Brésil, mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec le pays. Ah, ok. Non. Pensez. Attends, qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est une entourloupe pour je sais pas moi, pour contourner les règles sanitaires. Non, justement, c'est pour voyager. Peut-être qu'il voulait partir. Non, c'est vraiment quelqu'un qui a suivi les règles et peut-être un peu trop. Voilà, petit indice que je vous mets là il comme ça. Il s'est enfoncé un test PCR beaucoup trop loin. Non, ce n'est pas ça. Je t'invite à te rappeler. Attends, excusez-moi. J'ai oublié ce qui lui est arrivé à ce mec. Il a été arrêté. Ah, il a été arrêté. Okay. Et la raison est liée au Covid. Est-ce que c'est un rapport avec la distanciation sociale? Pas du tout. Mais il a forcément. Ou est-ce qu'il a forcé des gens à faire des tests PCR? Non, il a forcé personne. C'est lui-même. Fait à lui-même. Ok. mais quelque chose pensé Covid. Un vaccin, il s'est fait un vacccin. Alors, il s'est injecté du sérum physio en disant je suis non, c'est pas ça, mais il c'est a conçu un vaccin. Un non, faux c'est vaccin. Par rapport au vaccin. C'est par rapport au vaccin. Il a braqué. Ah, il a fait plein de vaccins. Exactement, Mid. Un point pour Mid, il s'est fait vacciner 6 fois. Ni plus ni moins. Franchement, si je pouvais le faire, je le ferais. Il profitait de panne informatique pour recevoir des doses dans 3 centres de vaccination différents. Mais... Au total, entre le 12 mai et le 21 juillet, il aura reçu 2 doses de Pfizer, 2 de CoronaVac, que je connaissais même pas d'ailleurs. Oui, ça c'est un faux ça. Attends, en combien de temps? Bah, entre le 12 mai et le 21 juillet, donc en 2 mois à peu près. Ouais, oui, ça va, il a le temps. Mais, de... ouais. Mais attends, il se les est injectés à lui ou il gardait? Non, il faisait des faux trucs pour aller se faire vacciner dans des centres. Il allait pas au même centre. Il y avait une panne informatique, donc apparemment il s'était pas enregistré quand il allait. Exactement, sachant qu'entre il y a 2 doses qu'il a fait à 13 jours d'écart et normalement l'intervalle minimum est recommandé à 14 jours. Mais il est en bonne santé là? Écoute. Alors les anti-vax, on dit quoi? Ils volent, ni plus ni moins. Non, mais en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il s'est vraiment. Ouais, il a été interpellé, quoi. Mais pour le moment, la santé, ça va. Là, il reçoit la 5G. Nickel. Ça, c'est bon. Allez, pas dans les dents. Allez, on vous entend plus, là. Dans vos gueules. Il y a eu un drame au musée du Titanic. 3 personnes ont été grièvement blessées. À votre avis, que leur est-il arrivé? Au musée du Titanic. T'as déjà allé là-bas, quel enfer. Alors c'est très marrant que t'en parles. J'étais à Amsterdam en vacances moi. Et j'ai pris de la drogue, voilà, pour récréative. De la marijuana, c'est légal là-bas, excusez-moi. J'aimerais bien qu'on touche l'argent de la pub, donc ne parle pas de drogue, s'il te plaît. Ah, on n'a pas le droit. Non, sur le podcast, on s'en fout là encore. Je sais pas, j'en sais rien. C'était dans un pays légal. C'était dans un pays légal. Ça va. J'ai ramené zéro. J'ai elle est où la liberté d'expression? Exactement. Je te rappelle que sur YouTube m'ennuie déjà, je te rappelle. Donc déjà que YouTube t'ennuie ? Oui, il m'ennuie. C'est-à-dire ? Je suis libre dans le podcast, vous m'entendez ? YouTube, je suis censuré. Oh. Non, j'ai fumé de la drogue donc, et donc j'étais bien. Il y avait des prostituées dans des vitrines. Enfin, tu vois, il y a une bonne ambiance à Amsterdam plutôt. Non, je suis pas l'eau, pute. Non, pas du tout. Non, là, mais on est démonétisé. Là, par contre, c'est sûr. Là, on vient de perdre beaucoup de sponsors. Non, mais en gros, il y a une ambiance festive à Amsterdam. Et là, ma compagne m'a dit : oh, si on allait au musée Anne Frank. Bien sûr, c'est le musée mythique Amsterdam. Mais c'est incroyable que dans une ville aussi festive qu'Amsterdam, il y ait autant de gens qui veulent faire le musée Anne Frank. Après, elle a pas choisi, elle, Anne Frank. Tu vois, je pense qu'elle s'est pas dit quand même, je vais peut-être aller dans une autre ville. Non, mais ce qui est plus, c'est le fait que c'est obligé d'y aller, quoi. Il y a un peu un truc genre, n'allez pas à Amsterdam sans aller au musée Anne Frank. Mais après, tout le monde n'y va pas pour fumer, hein. Non, mais c'est vrai. Mais ça le dit, moi je suis allé à Amsterdam, au j'ai musée une vie fumée. C'est très joli, il y a des vélos, il y a de l'eau. C'est vrai ? Il y a du fromage excellent. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi j'ai fait aucun des deux quand je suis allé à Amsterdam. Ni pas fumé. Non, ni musée Anne Frank, ni weed. D'accord. J'ai dormi. Tout simplement. J'ai fait un peu de vélo. Ni pute, hein, d'ailleurs. Enfin, je précise pas, mais... Oui, c'est vrai que t'as précisé. Non, non, ça, pour le coup, non, aucun problème. Bon, en tout cas, au musée du Titanic, effectivement, qui est peut-être un peu angoissant, il y a eu un accident qui a fait 3 blessés graves. À votre avis, quel a été l'accident? Des gens ont percuté l'iceberg. Eh bien, c'est une très bonne réponse. Un iceberg leur est tombé dessus. Une reproduction de l'iceberg s'est écroulée. Oui, pas vrai. Non, mais oui. S'est écroulée et des visiteurs ont été écrasés. Ils sont morts ou pas? Non, ils sont blessés quand même. Mais... C'est hilarant. Non, mais s'ils étaient morts, bon, c'est drôle quand même. Mais... Je l'aurais peut-être pas raconté, mais ils ont été emmenés à l'hôpital et pour l'instant, l'état de gravité de leur blessure est stable. En tout cas, ils disent pas si c'est grave ou pas, mais en tout cas, ça s'est pas aggravé. Mais oui, 3 blessés écrasés par l'iceberg. Pendant les vacances, il y a quelqu'un qui est tombé sur mon pied. Ah ouais? Ouais, bizarrement. Moi je fais très attention. En fait, j'ai un peu la phobie de me faire mal aux jambes, aux pieds, tu vois, d'avoir mais non mais et parce pourquoi que tu pourrais assurer tes jambes. J'adore danser, ce mec. Bah non mais je sais pas, j'aime bien je fais des concerts, j'aime bien être debout. Allez. J'aime bien marcher, enfin tu vois, j'ai trop la flemme de me dire putain les béquilles. Oui, d'accord, okay, ouais, tu vois, tu prends pas de risque, quoi. Ouais, je fais méga gaffe, tu vois. Ouais, méga gaffe. Méga gaffe de Fort Boyard. Ouais, bien sûr. Évidemment. On l'embrasse. Bah, il nous regarde. Mais alors, le rapport avec le Titanic? Bah, parce que justement, je faisais rien, j'étais assis et quelqu'un est tombé sur mon pied. Mais genre, il a trébuché ou il est tombé avant et il s'est écrasé? Alors, non, alors j'étais T'étais sur ce là bateau. Oh, c'était toi. C'est okay. Ah, c'est sur un bateau. J'étais... Donc, il est là le lien. J'étais sur ce bateau. On y approche. Il y avait un projet bancal qui était de faire un time's up sur le bateau un jour où la mer est particulièrement énervée et le bateau avance, quoi. Le bateau avance, ouais. Bon, déjà vous étiez sur un bateau, ce qui est stylé. Oui, et je vais dire, on passait un super moment. C'est mieux que des photos en story là de Pouilleux où t'es en slope dans la terre là, c'est à dire pendant les vacances là. Allez, on les a vus, C'est le post Insta là. En train de dormir dans une voiture, ça, putain. Ça, c'est la semaine d'avant cette okay. semaine où justement pour compenser. On faisait des times up dans un bateau. Voilà, on faisait des times up sur un bateau, ce qui était autre chose qu'une nuit dans une voiture. Franchement, c'était un peu plus agréable. Je comprends. Et bref, times up sur un bateau, il y a une personne qui passe, qui mime et qui commence à perdre l'équilibre et qui tombe, mais genre. Qui midme. Oh, bah si, bah si, bah si. Ah, j'ai beaucoup apprécié bah oui, celle-ci. Elle est tombée comme ça. Elle est tombée à t'as pic. Fait du bien, ouais. Elle m'a réchauffé le cœur. Un vent d'air frais. Et donc, bref, cette personne est tombée pile sur. Mais genre, pile sur son. Non, mais attendez, mais quelle mal, partie de son corps à lui est tombée très, sur son très pied mal. Ah oui, tu t'es fait mal. Non, non, il est allé à la pharmacie, il a acheté tous les trucs. Oh. Parce qu'après, j'avais. En fait, c'était ma seule semaine de vacances. Après, je reprenais la tournée. Bien sûr. Et donc, je voulais vraiment pas ne pas pouvoir. T'as mis du ketoum. Et donc j'ai demandé à la pharmacie, elle a dit est-ce que vous voulez plutôt un strap qui est le truc en élastique, est-ce que vous aussi. Voulez plutôt du froid, est-ce que vous voulez plutôt des médicaments à prendre, est-ce que vous voulez plutôt de la crème, et j'ai dit je veux tout, tout. Et j'ai tout mis. Qui aurait fait ça autour de la table, tout le monde, allez, d'accord. Allez la sécurité sociale, allez le trou de la sécu qui s'ouvre et qui s'ouvre, voilà, merci beaucoup. Et au final, moi qui pensais avoir la cheville tordue, en fait c'était une talonnade. Ça existe. Ça existe une talonnade, ouais, à part au foot. Bah c'est une talonnade. Ah ouais, bah c'est en fait une talonnade, c'est quand normalement c'est quand tu sautes de très haut et que tu tapes ton talon. Aïe. Ça écrase en fait le ça écrase le muscle qui est à cet endroit-là, c'est pas un muscle en fait, c'est de la graisse. Mm-hmm. Je vous parle, c'est l'ostéo qui m'a dit ça. Non, tu le savais avant. Et ça te fait un hématome sous la peau. Bien sûr. Et c'est ça que t'avais donc. Au niveau du talon. Ouais. Donc ça va. Dégueulasse. Donc en fait, c'était pas grand-chose. Tout ça pour dire qu'il a, il a beaucoup d'empathie pour les gens écrasés par l'iceberg. Oui. Un iceberg en règle générale. Tu l'aurais eu mauvaise à leur place. Ouais. Est-ce que vous avez passé des bonnes vacances, vous, d'ailleurs? Super. Toi, t'as fait un petit tour, Lucas. Moi, j'ai un fait petit peu. Un mois, ouais. J'ai fait un mois de vacances. Première fois de ma vie que je fais un mois de vacances. Où, genre, j'ai réussi à déconnecter vraiment à la troisième semaine. Trop bien. Ah oui, il y a eu un petit, au début, un peu de mal. Ah, c'est impossible au début. Et au final, ouais, j'ai fait la troisième semaine. C'était ce fameux road trip dont tu parles, là. Les photos un peu dans la terre, dormir dans la voiture et tout. Et c'était genre ouf. C'était une des meilleures Mais c'est vrai de ma qu'il y avait un peu une audace de dire on va trouver un hôtel. On sent que vous, tu l'avais pas beaucoup fait avant de voyager. Je l'avais pas beaucoup fait avant, mais surtout, il m'est arrivé un truc de fou. C'est qu'il y a vraiment genre. Dans un rayon de 150 km autour de nous, on a appelé 25 hôtels, ouais. Pas de chambre de dispo. Zéro chambre. L'été. Aucun camping. Ouais, mais comme je dis, c'est la première fois que je partais ouais. vraiment. Ouais, c'est ça. J'étais là, en fait, on est dans un monde où tu dois quand même préparer un minimum. Ah, sinon, tu te retrouves à dormir dans ta caisse. Vous avez appelé combien d'heures à peu près avant de vouloir y aller? Franchement, beaucoup. Ouais. Beaucoup, beaucoup. Non, non. Oui, non c'était ouais, le jour même, mais quand même. Ouais, ouais d'accord, ok. Nathalie, toi, t'as fait Italie, je crois. Moi, ça m'est déjà arrivé, par contre, de dormir dans la caisse plusieurs fois. En quel honneur? En l'honneur de mon organisation aussi. caisse bancale. Caisse où, genre, Renault Scénic aménagé, tu peux t'allonger, ou caisse assis, quoi. Une berline. Une voiture. Ah ouais, mais donc en vraiment. Road trip aux États-Unis, on se retrouve à dormir dans des parcs avec Mélo Coco. Mélo Nicolas. Dans des parcs où il y a des ours, quoi. Ah, ah yes. Oh, ah oui, sympa. Mais surtout qu'en plus, oui, il y a ça aussi, parce que moi, j'ai déjà aussi plusieurs fois dormi dans une bagnole. Quand t'es plus de deux. Ça devient insupportable. En fait, c'est simple, ça devient un bain. J'ai ouais. très bien analysé la chose. Donc, tu respires plus l'expiration de tes potes. Mais que vous de aviez quand même entrouvert une fenêtre quand même. Alors. Non. Tu sais, je raconte beaucoup d'histoires d'horreur. On est sur un parking à ce moment-là, vide de fou en face de nous. Il y a genre des bouts de forêt. J'ai dit, les gars. Et tout le monde était d'accord dans cette voiture. On n'ouvre aucune fenêtre. Ah c'est oui. mort. Donc vous avez respiré du gaz carbonique pendant. Pendant une nuit. Non, on a laissé genre 5 mm oui, voilà, de chaque oui, fenêtre. C'est bien, mais c'est oui, ça. C'était un peu une nuit gaz carbonique. Mais tu sais quoi, j'ai vachement bien dormi. J'ai failli pas me réveiller. Ouais, c'est ça. Mais j'ai vraiment hyper bien dormi. Oui, ouais, bah, oui forcément. Oui, bien sûr. Et ça me fait penser, je me dis, dans les je sais pas si vous avez déjà raconté ça ici, que dans les avions, en fait, quand il y a des longs courriers qui arrivent, en fait, après, à l'arrivée, après genre 6, 10, 12, 15 heures de vol, en fait, les mecs qui ouvrent la porte de l'avion, il paraît que l'odeur, elle est à gerber. Ah ouais, ah ouais, et nous, on s'en rend pas compte parce qu'on est dedans. Parce qu'on est dans nos propres pets, nos propres. J'y crois à ça, mais c'est sûr, c'est vrai. C'est sûr, ben, c'est sûr en même temps. Et je pensais à ça parce que je me dis, si t'avais quelqu'un qui aurait ouvert la porte, peut-être qu'il aurait. Ouais. Bah, en fait, un criminel, on était... il aurait fait non. Moi, c'est la première nuit. C'est la première nuit où on se réveille et déjà, il y a ce truc de buée sur les vitres qui me dégoûte ouais. de fou. Et on est genre luisant, mais tu sais, dégoulinant de sébum, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et vraiment, j'étais là, je vais vendre cette voiture, c'est fini. Enfin, c'est trop quoi. Et je culpabilise, on lui a infligé un truc horrible à cette voiture. C'était hyper dur pour elle, je pense. Mais dis-toi que moi j'avais déjà dormi dans une voiture, c'était dans un festival de musique. Et on a la toile de tente, j'avais trop froid, donc je me mets dans la bagnole et j'allume un peu pour me réchauffer. Mais donc ça, il faut pas trop le faire parce que c'est ça qui fait qu'après tu peux t'étouffer tout simplement. Et il y a la buée et tout. Et à 4h30 du matin, il y a un qui tape sur ma vitre avec la buée, donc je vois pas qui c'est, pour dire faut éteindre le moteur, hein, faut éteindre le moteur, parce qu'effectivement j'avais laissé le moteur allumé. Ah oui, d'accord. Donc en fait un mec très gentil, mais qui m'a fait extrêmement peur, quoi. Un gars à 4h30 du mat. Mais t'étais où? Elle était garée où? J'étais ta voiture? Au Printemps de Bourges, c'était un festival de musique. Et donc, du coup, la voiture était dans une rue basique. Ah oui, et le mec habitait au-dessus, il y avait un moteur qui tournait. Il habitait pas au-dessus parce que. Ok, il habitait au-dessus. Ouais. C'est mon cousin, donc. Mais Adrien, d'ailleurs, toi, tu dors dans ta voiture, mais attention. Mais moi, elle est aménagée, il y a un lit dedans. Mais toi, elle est incroyable, c'est trop beau. Tu parles d'Insta, tu mets ça sur Pinterest, les gens, ils adorent. Bah, bien sûr. C'est vrai, c'est trop bien. Je vais le faire. En vrai, pour de vrai, c'est génial. Mais c'est ce que je me suis dit après. Je me suis dit, mais en fait, on aurait dû prendre un van, l'aménager de ouf, on aurait trop kiffé. En revanche, caravane et tout, c'est vachement régulé, tu peux plus du tout faire ce que tu veux. Alors que y a des gens là en ce moment sur TikTok, il y a ça, qui achètent genre littéralement des bus scolaires, ils vident tous les sièges et tout, ils revisitent le tout et ça fait un appart mobile soumis à zéro règle. C'est pas considéré comme une caravane et tout. Donc, du coup, tu peux vraiment faire ce que tu veux, quoi. Oui, parce que c'est les trucs un peu écolo, je pense, c'est pour éviter de pourrir. Parce que, toi, aux États-Unis, quand t'étais allé au Burning Man. Ouais. Vous aviez une machine de guerre, par contre. C'était un hôtel sur. On avait un camping-car. Ouais. On a arraché la porte le premier jour. Ouais. Mais... oui, c'était du costaud. Ouais. Ouais, vous pouviez. Plus le petit van où t'as le toit qui s'ouvre en dessous pour avoir. Trop mignon ça. C'est ouf, ça. C'est un truc de ouf que vous aviez. Quand C'était cool. Mais vous avez. T'es assis sur la caution, malheureusement. Oui. En Angleterre, un McDonald's a été obligé de fermer ses portes du jour au lendemain. À votre avis, pour quelles raisons? Des raisons sanitaires? Pas du tout. Des raisons. Vous vous appelez? Vous êtes en train de vous appeler? Excuse-moi, je voulais faire un contre-podcast là, avec... Oh, t'es un fou toi. Ouais. Pas des raisons sanitaires donc. Dis donc Adrien, tu l'as bien rattrapé ce truc. Merci. Mais c'est en stéréo. Et c'est en stéréo. Wow. C'est trop beau. Ouais, bah c'est à fait. Donc, il y a eu un animal qui a été retrouvé dedans? Non. Non, mais ça, ce serait des raisons sanitaires. Ouais. Je adore les animaux. Est-ce que c'est. Ils ont fait un truc choquant? Pas du tout. Attends, il a fermé à vie du jour au lendemain? Non, là pour le moment, tout juste il est fermé. À cause de ce truc. Tout le monde a été bloqué d'un coup. Est-ce que c'est une initiative personnelle d'un des employés? Ou un du peu. Patron, quoi. C'est un peu la première. Un peu une genre, il a mis une blackface sur Ronald McDonald et l'on dit oh non, quand même. Oh, dis donc, stop. Non. C'est pas un truc comme ça. C'est pas ça. Mais c'est une initiative d'employés. Qui a donné des burgers à des clients. Ah non, gratos. Qui a dit quelque chose sur internet. Non. C'est un truc un peu moins fou. C'est juste, ce qui est un peu intéressant, c'est que. C'est... Je vais vous dire la réponse. Non, j'ai du mal à vous le vendre. T'as pas d'indice? Non, mais attends, il y est pas loin. En fait, vous c'est cherchez un employé des... qui a fait un truc. Pas une que. Inondation Il y a une grève. Exactement. En une minute, tous les employés ont démissionné. Oh. Ils ont pas fait ils ont démissionné parce qu'ils étaient en désaccord avec leur patron et tout le monde s'est barré. La scène a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux TikTok où elle a été vue plus de 2 millions de fois. On peut y voir le restaurant et les cuisines complètement vides ainsi que la note laissée par les employés. Le patron était seul dans le McDo et s'est retrouvé comme deux ronds de flan. Ouais, je vous le dis. C'était impossible à trouver. Non. Je suis choqué de la news là. Non, je sur TikTok, il y a une grosse tendance justement de gens qui quittent leur job et qui le filment. Ouais, ça a dû naître. Mais c'est la pub du loto. C'est ça. C'était ça, vous déguisez en au revoir président. En c'est ça. Vous avez déjà démissionné, vous? Ou quitté un taf? Ah oui, tu sais, moi j'ai eu énormément de métiers. Faut que je vous raconte tous ces jobs de jeunesse que j'ai eu. On y viendra après. Peut-être vous racontez les vôtres avant, quoi. Toi, t'avais démissionné, Nathalie? De la police nationale. J'avais pris une année sabbatique en me disant, bon, bah si ça flop, je retourne là-bas. Ouais. Les chroniques d'une fille ludique. Oui, c'est ça, voilà. Et d'ailleurs, j'avais démissionné, posé mon année sabbatique en disant, j'avais créé un dossier pour dire qu'il y avait un projet, c'était le studio Bagel. Mais à l'époque, le premier nom donné à ce collectif, c'était The Lollers. Oh merde! Une très belle info. J'ai encore le dossier chez moi. The Lollers. Et j'imagine la gueule de mon commissaire qui découvre le dossier Lollers. Quel horrible nom! Pourquoi pas Aïe aïe aïe. J'allais dire. Pourquoi tu dis ça? J'allais dire, il y a la même histoire. Golden Moustache, à la base, ça devait s'appeler Golden Moustache. C'est vrai que très. De toute façon, très horrible. Ce sera bipé, Adrien. Ah bon? Oh, ouais, si je suis obligé. T'as rien dit. En tout cas, elle était. Waouh. Mid, est-ce que tu as déjà démissionné? En fait, c'est démissionner ou même quitter des projets, peut-être. Démissionné. Il a démissionné, bien sûr. Quand j'avais genre 17 ans. Il s'est applaudi. Mais les applaudissements quand même. Oui, pardon, excusez-moi. Non, beaucoup trop long. Moi, je veux juste un. Chut, comme ça. On veut la pluie. Voilà. Ouais. Ça, c'est, on dirait de la pluie. Un bain qui coule. Un peu plus de froid. J'étais DJ pour mariage. Oh. Ouais. J'étais DJ pour mariage quand j'avais genre 16-17 ans. Moi, je rêvais d'être DJ, tu vois. Putain. Et donc, je mixais chez moi, genre des trucs de comme mes idoles, tu vois, genre house, techno et tout. Et en fait, je me suis fait embaucher dans une grosse boîte de mariage dans le nord de la France, près de Lille. Et c'était des DJ pour mariage stars un peu, tu vois, genre de père en fils. Le père était trop fort, le fils méga BG, tu vois. Et en fait, j'en ai fait un. Et en fait, c'est pas vraiment que j'ai démissionné, c'est que... Tu t'es dit stop. Moi et eux aussi, je pense. Ah ouais. Bah ouais, en fait, faut savoir que c'est quand même pas ouf. Moi, j'imaginais que c'était comme mes idoles, tu vois. C'est-à-dire, je venais, je mettais des CD, je mixais, tu vois. Ouais. Là, oh là là, l'enchaînement, pour ne pas citer votre Sympa. Là, c'était vraiment... En fait, tu te levais méga tôt, t'allais chercher dans un hangar les enceintes, t'installais tout, tu te mettais en costard, tu mangeais tout seul dans une salle à part. Oh, et j'avais même pas le choix de ce que je passais parce que eux, c'était tellement des cracks en... en DJing de mariage, qu'en fait ils savaient très bien quel morceau life tu mettais. En fait, tu commençais. Je me souviens juste qu'on commençait par le Madison parce que comme bien ça sûr. Les vieux dansaient, ils étaient contents. Et donc je l'ai fait une fois. Cafard les gars, direct. Je suis trop mal. Je l'ai fait une fois. C'était très triste. C'était très triste. Et tu dois suivre les demandes des gens, non, genre Gilbert Montagnier. Ouais. Et puis moi j'étais pas méga heureux d'être là en fait. C'était vraiment mais par tu faisais défaut. Les trucs genre pour Catherine et Liliane. Tu prenais évidemment le micro et je le faisais pour de vrai. Le il m'entraîne au bout de la nuit. Qui ça ah ouais. J'adore. Démon de minuit. Qui a eu l'idée d'ailleurs? Quelle bonne pas. Idée. Qui a fait ça? C'est génial. Quel respect même. Je sais pas. J'avoue, il y a un mec qui a lancé ça au départ, quoi. Ouais, c'est ça, un génie. Qui ça? Et t'as enchaîné sur quel taf, du coup, après ça? Après, je faisais des études à côté, donc. Pedro Winter, tout de suite après. Ah, il l'a vu là-bas. Deux jours après le mariage. Il m'a signé. C'était son mariage, justement. Ouais, voilà. Non, donc et après moi je faisais mes études, du coup j'ai juste plus refait ce taf là et je suis retourné faire le taf. Mon père il bossait dans un hôpital et du coup je nettoyais l'hôpital. je mettais le dernier morceau pour les gens qui ah merde, c'est vrai. Qui partaient. Et qui c'était partaient. Les démons de minuit aussi, donc c'est ça qui m'entraîne. Qui ça ça répondait plus. Qui ça? Nous sommes là pour célébrer la mémoire de qui ça. Non, pas maintenant. Non, en fait, je nettoyais les blocs opératoires. Ah, trop bien, mec. Ouais. Trop bon délire. Parce que normalement, les fils de médecins, on faisait brancardier. D'accord. Et là, il y avait plus de place. Donc ils me disent il reste une place, c'est pour nettoyer les blocs opératoires. Avant ou après? Après, évidemment. Après. En plus, c'est un ventre, c'est forcément. T'as une responsabilité de fou en plus quand tu fais ça. Bah ouais. C'est vénère. Tu positionnes dessus, la personne meurt immédiatement. Ouais. En vrai. Ouais, on a tué des gens, ça se voit. Après, en vrai, un bloc opératoire de nos jours, c'est pas genre des flaques de sang et c'est vraiment des capotes. Non, pardon, non, je me faisais une image du bloc opératoire. Mais d'ailleurs, moi, je me posais une question, Mid. Quand tu dis je veux être, enfin, ça faisait longtemps que tu voulais être DJ. Ouais. Comment on pas gravit les échelons, c'est un peu une phrase toute faite, mais comment on commence à parler mariage? Comment on gravit les décibels? Oh. C'est un peu trop fier par rapport à la escalade des décibels sur Radio Nova. Non mais tu sais comment passer le mur du son sans poser des questions quoi. Sans se poser aux questions. 1000 décibels, un documentaire sur ma vie. Écoutez mon sur Brutix. Non mais comment on démarre entre guillemets, comment on... Moi le vrai conseil que je donne aux gens qui veulent faire de la musique, c'est d'en faire. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que tu te prends. C'est facile de faire de la musique, particulièrement aujourd'hui. Tu prends un ordi, tu télécharges un logiciel, t'essaies de faire, tu vois ce que t'arrives à faire, ce que t'arrives à pas faire, et au fur et à mesure, c'est de mieux en mieux. Il y a pas vraiment de, je sais pas moi, j'ai acheté des platines, j'ai acheté des disques, après je les ai enchaînés les uns avec les autres, et puis petit à petit ça. Mais il y a pas de secret, tu vois. Après il y a le fantasme évidemment des gens qui commencent, ça va être de se dire ah oui mais moi j'ai entendu qu'il fallait un manager, j'ai entendu qu'il fallait un label, j'ai entendu qu'il fallait faire des concerts dans des endroits. En effet, tu vois, genre, mais tu commences petit à petit. Faut d'abord puis, être bon un peu, quoi. Ouais. C'est ça le truc. T'entraîner, faut, bah, oui, faut, faut taffer, faut quoi, faire quelque chose, quoi. Faut proposer quelque chose avant, quoi. Ouais, pour faire de la musique, faut en faire, tu vois. C'est pas. C'est vraiment ça. Et ça vaut tout. Pour tout, les trucs. Ouais, pour tous les trucs créatifs, ouais, c'est vrai. Tout simplement. Adrien, toi, t'as déjà été licencié? Pourquoi, pourquoi nous non, c'est démissionné, c'est les gars, est-ce que vous avez une excuse-moi. Il y a eu un jugement qui s'est installé vraiment très naturellement. Je savais pas comment t'annoncer cette saison 6. Je savais pas. Eh bien, si, c'est ça. Allez, coupe le micro. Petit applaudissement. Allez. Allez, le Caplin. Non. Moi, après, j'ai pas fait tellement de métiers. Mais cela dit, Adrien. C'est pas démissionner, mais tu es la personne, peut-être une des personnes les plus intègres avec qui je travaillais dans le côté. Non, mais tu peux quitter des projets. Ah oui. Bah c'est une sorte. Ah oui, j'ai quitté des trucs où c'est tu vrai, sens vrai, que ça pue un peu du cul. Oui, j'ai quitté des projets où quand j'étais pas totalement en raccord avec voilà, ça je l'ai fait. Mais quitter un taf, en fait, moi tous mes métiers j'étais à mon compte en fait. Mon premier métier c'était illustrateur, j'étais à mon compte tout de suite quoi. Ouais. Donc pareil. Mais cela dit, oui, c'est ce que j'allais dire. Lucas, toi tu dis que t'as pas fait de duo, mais t'as peut-être quitté des trucs. T'as peut-être rage quit le gamer. Vous êtes Hyper Jones. Ah ouais, vous essayez de rajeunir la cible en fait. Ah, t'es éclaté au sol la première blague. T'es en PLS, man. T'es en PLS. Non, non, mais moi c'est un peu ce truc là aussi où bah en fait mon premier test c'était les vidéos. Et t'as dit quoi? T'es le sang, j'ai dit. Ah, ok. Non, cherche pas. Merci, bébé, t'es le sang. Il y a R. Il y a R. On a du mal. Eh, votre pote là, Adrien, dites-lui un truc. C'est le cousin à qui celui-là? Eh, ouais, on s'en déconne. Non, non, mais c'est pareil quoi. J'ai direct mon premier taf, c'était les vidéos. Par contre, j'ai fait une sorte de démission moi quand j'ai quitté Webedia. Oui. Enfin, c'est pas une démission, mais c'est genre. Oui, t'as arrêté prendre un décision, contact, ouais. Ouais, mettre fin à un truc et tout. Et c'était. Ouais. C'était stylé. Bien vénère quoi. Oui, c'était stylé, mais c'était bien vénère quand même. C'était, c'est la réu méga froide officielle, il y a trop d'enjeux, c'était trop mal et tout. Oui, même le matin, tu te dis, c'est aujourd'hui. C'est ça. j'avais un. Allez, j'ai eu le petit rappel, là, petit rappel dans mon agenda, c'est aujourd'hui, frérot. Ouais. Et j'avais fait un Google Doc où j'abordais chaque point, chaque truc, machin, c'était une conférence quoi. Ouais. Mais, t'as pas fait un TikTok, tu t'es pas filmé, putain. Non, putain, mais j'aurais dû, je suis franchement, nous on s'y connaît, ça aurait fait le buzz, mec. Ah ouais? Ouais, ça aurait fait le buzz. Auprès des Jones aussi? Ouais, aussi. Pareil. Wow. En Allemagne, un candidat un peu étrange s'est présenté à la succession d'Angela Merkel. Savez-vous qui? Il prétend être un extraterrestre. C'est un animal? Non. C'est un animal. Oh, ça a été très vite du côté chien. De Lucas. Non. Chat. Ah, bien joué. Bah, ça a été assez vite. C'est Adrien qui m'avait inspiré. C'est un chat intitulé Bobby, tout simplement. Et savez-vous comment il s'est retrouvé sur cette liste électorale? Parce qu'il l'a pas fait de lui-même. Oui, oui, c'est ça que j'allais dire. Il a dit, s'est présenté. Ouais, bon, bah voilà, miaou. Bah, son propriétaire s'est dit trop drôle le truc. Et il l'a marqué sur la liste. Eh bien, pas du tout. Non, ah c'est bon pas ça. C'est pas ça. C'est un truc volontaire. Ah, c'est une erreur. C'est une erreur. Ah, il y a un mec qui a le même nom prénom que ce gars. Ouais. Pas du tout. Pas du tout. C'est une erreur très conne et si ça entraîne la fin de la civilisation, c'est un peu marrant. Oh, ah, je sais. En fait. Vas-y. En Allemagne, c'est la réponse. Hein. En Allemagne, en fait, quand tu te ça va pas ou quoi? Tu te prends pour qui en fait? Ça y est, ça fait trois fois qu'il vient. Il me chie dessus. Bon, ça va pas, Amine ou quoi? Tu crois que tu nous intimides? Oh oui. En fait, donc chaque candidat doit venir dans une grande salle qui s'appelle le consortium. Il va sortir un mid-to. Serge le mid-to. Et en fait, chacun doit venir et mettre son doigt dans de l'encre comme ça. Oui, d'accord. Bien sûr. Et on doit tous mettre comme ça et toutes les empreintes doivent être à côté. Ouais. Le chat. Ouais. Il était là. De Gueluc, hein, d'ailleurs. C'était... Le chat de Gueluc arrive, il met une petite patoune dans le truc parce qu'il marchait là. Et il a mis sa patte. Ouais. Et la loi, en fait, interdit de chaque personne qui a. Ouais. Aidez-moi. Une fois que t'as tes empreintes, t'es obligé d'être candidat. Sinon, tu dois aller en prison. Des trucs comme ça. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Mais c'est une erreur du style. C'est, on n'est pas si éloigné. Non, mais c'est quelqu'un pas qui a envoyé une photo de son chat. Il a eu. Non, je sais pas. Non, mais t'es pas loin. De toute façon, je vais vous le dire parce que c'est difficile de le savoir. Décidément. En gros. Bah, on dirait bien que c'est le jour où tout est dur. C'est Alexander Nagel, responsable du bureau électoral régional. Parce que c'est les régions en fait qui votent chacun de leur côté pour savoir qui serait candidat. Gros, on sait tous. On connaît vachement bien tous. Ouais. On a beaucoup d'auditeurs en Allemagne, donc ils le savent. Mais pour nous porter candidat, explique Alexander Nagel, nous n'avons pas seulement besoin du nom du candidat, mais aussi d'un identifiant, un Kennwort en allemand. Ouais. Cet identifiant remplace le nom d'un parti politique. Seulement Michael Gabler, qui est donc le votant et qui est le propriétaire du chat, a pensé que cet identifiant était un mot de passe. Donc il s'est dit, bon, bah là on me demande mon mot de passe, donc je vais dire n'importe quoi, bon, bah le nom de mon chat. Sauf que non, il a mis le nom du candidat à la place du mot de passe. Donc, c'est vraiment un mec dont le métier c'est ça, qui a mélangé et qui a fait mettre en candidat le chat Bobby. Vous n'avez rien compris à ce que je viens de dire. Si, globalement, oui, mais ça sent le mytho. Ah non, c'est une vraie histoire. C'est un jugement. Non, non, mais c'est une vraie histoire. J'ai le nez pour ça. C'est vrai que t'as le nez pour ça, mais non, c'est la vérité la plus stricte, mon pote. C'est sur westfrance.fr. Oh ben, c'est bon. Ah, excuse-moi. Excuse-moi. Ce samedi, alors pour nous c'est le futur, pour les auditeurs c'est le passé, mais un grand rassemblement de chiens est prévu en Moselle, à votre avis, à quelle occasion? Une course mignon. De chiens. Non, on n'a pas assez savouré l'explication d'avant, je trouve. On a été un peu méprisant. Oui, mais les auditeurs ont su la goûter. Non, il n'y a aucun problème. Alors oh là là. Je trouve que c'était vraiment pas mal. Il y a bien pire qui arrive dans l'émission. Donc Adrien, pas. S'il te plaît, tu... Pardon. Non. Est-ce que c'est un rassemblement d'une race? Exactement. Est-ce que ce serait les Shiba? Alors, ce ne sont pas les Shiba. C'est les bergers australiens. Sachez que ça existe, les rassemblements de Shiba, et qu'il y a des gens qui... Il y a des services. C'est des rassemblements de toutes les races. Non, où tu payes pour pouvoir aller voir des gens. Et je crois que ça s'appelle les Shibalades. C'est pas un truc comme ça. Ah non, c'est pas c'est une blague ou... Je crois pas que ce soit une blague. Wow. Je sais pas si je l'ai rêvé ou si je l'ai entendu. Je sais que ça existe et c'est plein de gens qui se rassemblent avec leur Shiba. Et il y a genre, il y a 8 places pour que des gens viennent, tu vois. Pour genre caresser. C'est payant, quoi. Ouais. Pour voir une Shibalade. Bizarre. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté un Shiba, je suis trop content. Les gars. Je me fais trop de thunes maintenant. Non, alors c'est une race effectivement de chiens particulière, mais des ça corgis. Va pas. Non, je peux vous le dire, hein, c'est des Golden Retrievers. Bien sûr. Là. Mais ça ne joue pas vraiment dans le rassemblement. Juste, c'est plein de Golden Retrievers. En fait, c'est pas un concours de sosie de Air Bud? Non, pas du tout. En fait, c'est un événement qui a lieu sur Facebook. Genre, venez, on se voit avec des Golden Retrievers et ça leur a un peu échappé. Ah, et comme donc, souvent. Coup, ils font un grand rassemblement à un endroit un peu précis en Moselle. Ah, il faut qu'on le... Ah oui, non, bah, c'est un peu le jeu. C'est un endroit glauque ou un endroit sympa? C'est un endroit très sympa. Un lac, un grand lac. Tu te rapproches. Un petit lac. Bien joué. Non, on se rapproche. C'est une étendue d'eau. Un barrage. Non, c'est une plus grande qu'une flaque. Une piscine. Nathalie. C'est une piscine, même plus que ça, c'est une espèce d'aqua boulevard, un centre aquatique de Flemrin Merbalak. Décidément, l'Allemagne se régale ce soir avec moi. C'est le samedi 4 septembre, 85 chiens Golden Retriever, selon le groupe c'est Facebook. C'est dégueulasse, par contre. Ils auraient dû se rencontrer dans une rivière. Oh. Il est encore plus court que les précédents. Non, alors, évidemment, vous pourriez vous dire, mais c'est dégueulasse, bordel. Eh bien, je l'ai dit même. C'est juste avant. C'est programmé juste avant la vidange de tous les bassins. Ah, et donc, justement, ils en profitent. On y va. C'est le rêve. Je te jure, une vidéo. Je sais que là, il n'y a que des gens qui surkiffent les chiens. Ça peut faire une bonne vidéo. Bah, Adrien les encule carrément. Donc, c'est vous dire. Je vous expliquerai jamais. Bon. Ah, non, jamais du tout. Ça donne envie en vrai. Imagine le Golden Retriever qui fait du toboggan. Oh là là. Mais ils mettent dans les toboggans. Mais oui. Je sais pas, non, je pense. Mais oui. Ils auraient peur la piscine à vagues. Non mais ça nage très bien les Golden Retriever. Oui, mais de là à faire du toboggan. Ah mais les Golden Retriever, ils aiment l'eau beaucoup. Les Golden Retriever, ils ont des pattes un tout petit peu pâles. Des nageoires, ils ont des nageoires, je crois. Ah bon. Ils ont un tuba aussi. Et la queue, elle tourne très très vite comme ça et puis ça fait un petit moteur. Ah ouais, bien sûr. Je savais pas. Ils jouent au basket aussi. J'ai vu dans le film. En Europe, une ville pourrait s'effondrer sur elle-même prochainement. À votre avis, laquelle? Ah ouais, alors Strasbourg. Paris? Non, pas Paris. Ah, voilà, mais ça, c'est pas dans l'est avec de la tous France. Les parkings. Alors, c'est pas en France. Avec le poids de l'ego des Europe. Parisiens. Oh dans vos gueules. Avec tous les travaux qu'elle nous met là, Hidalgo, c'est sûr. Non, c'est pas en France. C'est pas en Allemagne. Enfin, c'est pas. C'est en Europe. Alors, c'est pas en Allemagne. Belgique? Non plus. Non, parce que j'ai vu que il y a des tremblements de terre dans l'est de la France. D'accord. De temps en temps. Et c'est parce qu'il y a une entreprise de forage. Non mais c'est un vrai truc. Les entreprises de forage, quand ils s'arrêtent de bosser, les plaques tectoniques se remettent en place et ça fait des tremblements de terre. Donc ça veut dire qu'il y a des entreprises qui créent des tremblements de terre, je trouve ça fou. Bah c'est incroyable. Voilà. Mais j'ai l'impression ça n'a rien à voir avec la question, mais non, mais moi c'est cet été où j'ai l'impression, alors peut-être que l'ambiance de base était pas la meilleure. J'ai eu l'impression qu'il y a eu 2000 trucs climatiques atroces. Ah bah oui, quoi. Oui. Enfin, il y avait vraiment vent, un sac. Il y en a eu énormément. Quoi. C'est vraiment chaud. C'était ouf. Donc, non, là, mais on a parlé que de Messi, bien sûr. Alors là, il y en a que pour lui. Ouvrez les yeux. Non, là, c'est une autre ville. Une autre ville que Paris. Il s'agit de Venise. Non, mais alors, tu te rapproches, c'est ce genre de ville. Ville sur l'eau, avec du coup. L'eau. Un peu sur l'eau. Amsterdam. Et ben Amsterdam, du coup. Amsterdam, très bonne réponse. Très très bonne réponse de Squeezie. Amsterdam pourrait s'effondrer sur elle-même. Parce qu'elle est foncée, la ville. Et du coup, elle va s'effoncer ou quoi? Oui, c'est tellement la pluie, la C'est tellement dommage que cet épisode n'enregistrera pas. Ouais. Alors, non, je vais t'expliquer pourquoi. Les pilotis en bois sur lesquels la ville est soutenue, parce qu'il faut savoir qu'Amsterdam a été construite sous le niveau de la mer. C'est parce que le niveau de la mer a augmenté, mais du coup, là, on est sous le niveau des océans, donc forcément, l'eau monte et la ville, elle galère un petit peu. Vraiment une mauvaise idée de base. Ils quand sont. Même. Non, mais je pense qu'elle n'est pas le meilleur move. Le niveau était plus loin. Le niveau était plus bas avant. Quand même. Pas le meilleur move. Et en fait, il faut savoir que la ville est entièrement sur des pilotis en bois utilisés au 17e siècle, il y avait des croix, V et des bâtons. Il a fallu que je compte dans ma tête. XV2, donc 17e siècle. Et donc ils doivent tout refaire, parce qu'à l'époque c'était prévu pour supporter le passage des chevaux et des charrettes. Maintenant, mais aujourd'hui il y a des caisses. Et y a puis des... une bagnole, ça pèse combien? Non mais sans déconner. C'est vrai qu'ici. Non mais dites-moi les gars, dites-moi s'il vous plaît, ça pèse combien? Et alors sachez qu'on est parti sur 2 milliards d'euros de travaux quand même. Oh, parce qu'il faut refaire toutes les fondations de la ville ailleurs. Et c'est censé s'écrouler quand? Bah justement, l'idée c'est que ça se. Parce que j'y vais en septembre là. Non, t'inquiète, ça va. Je vais dans les bureaux européens de Crocs. Sans déconner, madame de l'Algérie. Je peux pas en dire trop. Si. Tu vas juste en acheter, c'est quand même très décevant, Nathalie. Je vais acheter une paire. Une paire à Amsterdam. Non mais voilà, ils allaient droit à la catastrophe et donc du coup ils refont beaucoup et, de travaux. Et Venise, c'est pour quand le... Eux, ils ont dit non, on laisse couler. Je crois que c'est méga urgent en plus. Il me semble que c'est très urgent aussi. Ah, Venise aussi. Ouais. Oh là là. Terrible. Record du monde. Un Anglais a battu un record avec des M&M's. À votre avis, lequel? Ils sont... C'est le même niveau de gravité de l'info, que l'info d'avant. Ils sont mis dans l'urètre. Alors, il n'y a pas des M&M's dans l'urètre. Pas mal. Non. Non, parce que j'étais en mode orifice. Nous deux, on a switché en mode orifice en même temps. Et je me disais, quel est l'orifice le plus pertinent? Il l'a dit. Écoutez, il y a très peu de news avec du sperme et de la merde aujourd'hui. Ouais. C'est la rentrée. Un podcast, vraiment. Oui, vous inquiétez pas. Il a fait un tableau géant en plaçant les petites billes de couleur. Alors, non, c'est vraiment un record du monde. Non, mais ce serait très joli. Manger uniquement des M&M's pendant une certaine durée. C'est pas ça. C'est le plus de M&M's dans un truc physiquement. Il y a un truc comme ça. Ouais. Trier les couleurs. Ouais. Non, pas les couleurs. La pas leur taille. Pas leur taille. Il n'y a pas trié. Ah, est-ce qu'il décortique? Non. C'est vraiment pensez vraiment record du monde. Il a fait le plus de quelque chose avec des M&M's. Il les a séparés. Non, pas dans une pièce. Non, mais ça aurait été. Il a rempli. Ah oui, non. Une piscine à M&M's. Non, dans lequel on mettrait peut-être des Golden Retrievers. Mais oui. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Est-ce qu'il a fabriqué quelque chose avec des M&M's? Il a rien fabriqué. Il a fait un truc vraiment très con et décevant, mais apparemment c'est un record du monde. Il les a mis dans un petit sac tous. Non. Est-ce qu'il les a distribués? Non. Est-ce qu'il a le titre c'est petit tour gros record. Est-ce que c'est gâché? C'est pas gâché du tout. Est-ce qu'il les a distribués? Ah non. Tu viens de me dire que non. Non, oh là là. Et dites-vous, c'est pas un truc avec des milliards et des milliards d'M&M's. C'est le plus dans un truc tout il petit. Il a mis un M&M's dans son nez. Non. Genre il a mis 3 M&M's dans un truc minuscule. Non, c'est pas genre... ça. Ah, dans sa bouche? Non, pas ça. Donc il a dit le plus d'M&M's possible dans le nez. Un record que j'ai un peu envie de voir quand même. Ça va c'est 3. Voilà. C'était 3. Eh bien, sache d'ailleurs, Adrien, que le record en question, c'est 5. De ce que vous essayez de chercher. Là, c'est 5. Non, de ce que vous essayez de chercher, c'est 5 M&M's. D'accord. Et c'est pas le mettre dans un tout petit endroit. Que ce soit une pièce ou un prépuce. Il les a jetés Non. Est-ce que c'est rattrapé avec sa bouche? Non. C'est pas ça. En équipe les uns sur les autres. Oh! Exactement. Ah, très bonne réponse de Squeezie. Il a empilé 5 M&M's. C'est si peu. C'est fou, c'est ridicule. Le précédent record était de 3. Donc il a explosé le record. Il a explosé le record. Il a fait plusieurs centaines d'essais en plusieurs heures. William Cutbill a fait ça le 31 janvier. Ah, il a juste mis quelques heures à battre un record du monde. William Cutbill. Cutbill. On dirait, oui. Bah, William Lebigill, mais non, c'est pas ça. Quand je leur avais dit qu'il y en avait 5, ils étaient choqués à témoigner William Cutbill. Waouh. Ils voulaient aussi essayer et tenter de me battre, mais depuis, personne n'a réussi. Apparemment, c'est très difficile. Mais faut un biopic, putain. Le nombre de personnes qui vont écouter le podcast et qui vont se dire, franchement, ouais, bah non, moi j'essaie, qui vont sortir maintenant des M&M's. En plus, tu peux le faire en quelques heures seulement l'après-midi. Apparemment, il a mis. Ouais, mais cela dit, des M&M's, pensez-y, c'est vrai que c'est difficile. Irrégulier. C'est pas des Smarties, attention. C'est des M&M's. Puis des Skittles, là, t'en mets 10, mais. Des Kinder Bueno, quoi. Tu fais des centaines et des centaines. Est-ce que vous, ça vous... Alors, pas celui-là, évidemment, mais est-ce que vous avez un truc avec les records? Moi, j'ai jamais été impressionné par un record. Est-ce que vous, il y a un truc où tu fais, bah, quand même, stylé. Ben, déjà, même le livre du Guinness des records, est-ce que c'est un truc... j'adorais quand j'étais petit. Ah ouais, mais il est trop beau, cet objet. J'adore quand j'étais. Il est tellement bien fait, cet objet, t'as envie de l'avoir, c'est incroyable, je trouve. Non, mais vraiment, ouais, c'est vraiment le record des ongles les plus longs. Ah, il y a ça, c'est immonde. On a tous, ouais, on a tous eu le truc de, ah, ça revient sur sa main. Il y a ça, il y a les abeilles toujours dans le truc, le mec recouvert d'abeilles. Ah oui. Ils sont toujours là. Les yeux qui sortent le plus du orbite. Ça, c'est le plus connu, je crois. De la, une atrocité. Et Robert Wadlow, l'homme le plus grand du monde. Ah, oui. 2m72, je crois, un truc comme ça. Je sais pas, souvent il meurt jeune. Je suis allé dans un club à Londres ce week-end et il y avait le plus petit nain de Londres. Ah, voilà. Mais ah, genre, ouais. C'était... genre, il était en exposition là, quoi. Ah non, ouais, d'accord. Non, il était pas empaillé, il bosse là. Et, genre, il travaille ici. Il attendait le tournage. Il est trop sympa. Il attendait le tournage du nouveau Gaston Bide. C'est un peu une célébrité, non? De fou. C'est une célébrité. Bah, c'est Passepartout qui aussi travaillait. À, bah, il guide toujours les casse-coups dans les traquenards déjà. Oui, non, c'est vrai. Ouais. Mais il travaillait à la défense à la ligne 1 du métro à une époque. Ah ouais, en plus ouais. en plus évidemment de guider les aventuriers dans un fort. Il me semble qu'il était très mal payé chez Fort Boyard. Je crois pas. Il était très mal payé. Oui, parce qu'ils le prennent comme figurant. Et comme il est figurant, il parle pas. Ah oui, c'est vrai qu'il parle pas. Ah, les bâtards. J'ai entendu dire ça. Alors que Rovelli, il parle. Silhouette quand même. De toute façon, vous inquiétez pas, on reviendra à Fort Boyard. Coquin. Je suis un petit coquin. Mais non, mon record du monde adorable que j'ai découvert, c'est péter le plus de pastèques avec ta tête d'affilée. J'avais cru que tu allais t'arrêter à péter. Péter. T'avais raison, j'aurais dû m'arrêter. C'est encore mieux. Il y avait aussi cette meuf qui s'en sortait beaucoup, qui explosait des pastèques avec ses seins. C'est moi. Ils étaient Nathalie et on peut l'applaudir. Mais à un moment, elle était invitée à. Enfin, je sais pas si on n'est pas exactement de la même génération, mais à une époque, c'était des gens qui étaient beaucoup invités dans chez Coé, chez Bataille et Fontaine. C'était des gens qui faisaient un peu des trucs de. La crème, la crème. Ouais, non, mais après, moi j'allais dans beaucoup de bibliothèques. Attention à l'époque. Scolarité à Quimper, une nouvelle option un peu étrange est au programme cette année, à votre avis, laquelle? L'option TikTok. Non. L'option non. Fake news. Non. L'option gaming. Photoshop. Non, l'option Shifter Pro, je sais pas. Oh là là. T'es à contre-sens, Adrien. T'es à contre-sens, Adrien. T'es une gâtée pour moi. Adrien gâté. Alors, non, rien à voir, mais par contre, c'est un truc. Nouvelle technologie? Non, mais aussi surprenant quand même. C'est du sport? Pas aussi surprenant que Zumba Café quand même. Tu veux dire Zumba Carnaval? Bien sûr. Sur les deux. C'est un langage. Rien à voir avec les nouvelles technologies? Pas de nouvelles technologies. Avec le Covid? Pas du tout. Un truc qui plaît aux jeunes et aux moins jeunes, mais les enfants adorent ça. Le karaoké? Non. Les jeunes adorent ça? Wow. Le crack? Non, pas du tout. Le tag? Non. C'est pas les jeux vidéo? C'est pas les jeux vidéo. Le breakdance? Non. Après, il a dit que c'était pas en lien. C'est rien à voir avec Internet. Rien à voir avec Internet. C'est pas les jeux vidéo, mais c'est un art également. Est-ce que c'est ludique? Que les petits adorent. Pas autant que les chroniques d'une fille. Est-ce que c'est un des 7 piliers du hip-hop ou pas? Non, pas du tout. La poterie. Un art, la danse. Alors dites-vous que c'est... Non, c'est pas vraiment un art. C'est tiré d'un art. Donc c'est tiré... Du cinéma. Le cirque. Ou autre. Voilà. Non, pas du cirque. Cinéma, c'est un peu vrai, mais pas que. Télé. Pas que. À faire des vidéos, apprendre à faire du contenu. Alors non, c'est pas ça. Dites-vous qu'en fait c'est un. Allez, je vous dis, c'est une œuvre. C'est un truc adapté d'une œuvre, ce qui permet Harry Potter. Excellente réponse d'Adrien Méniel. Il y a une option à Quimper, Harry Potter. Alors, quoi? Alors déjà, ça... Adrien, peut-être une note sur cette option. Bah, c'est sur combien? C'est zéro. Non, mais attends. Parce que tu dis une option Harry Potter, et puis tu vas dire qu'en fait. Non. Alors, vraiment, par contre, c'est option Harry Potter. Non, mais attends, t'inquiète. Les Potterheads, vous avez l'humour. Attends, on est Gryffondor ici. Ils ont peu d'humour. Peu d'humour. Très peu d'humour. Non, en gros, l'idée est d'appréhender certaines matières par le biais de la saga. Explique Benoît Tanneau, directeur de l'école Les Sœurs d'Aigle. Non, je sais pas. Genre, tous les mardis, durant 2 heures, différents enseignements permettront d'aborder le thème de la saga de l'autrice J.K. Rowling. Par exemple, en techno, ils apprendront à faire des baguettes grâce à une imprimante 3D. Donc en fait, ils apprennent à utiliser une imprimante. Ceux qui n'aiment pas Harry Potter, ils vont se faire foutre. C'est une option. Oui, remarque, c'est vrai, c'est une option. C'est une option. Ouais. Ok, ok. Non, ça remplace pas les maths. Non plus, c'est une option. Non, mais... En science, ils concocteront des potions. En sport, ils participeront au Quidditch. Comme dans l'univers de la saga, les élèves seront répartis après avoir effectué un test de personnalité en 4 maisons. Serpentard, Gryffondor, Serdaigle. Un peu dur quand même. Vous êtes quoi ici? Moi, moi je suis Gryffondor. Ah, moi aussi pour ça. Serdaigle. Serdaigle. Serdaigle. Je sais pas moi. Tu sais pas? Non. T'es pouf souffle mon pote. Et voilà, et bien sûr. Un bon pouf. Bah, je sais pas ce que ça veut dire. C'est les bestes. C'est les bestes. Non, c'est les gars un peu gentils, moyens. Ouais. Mais... non, mais merci. Tellement. Non, merci mais tellement. Adrien. Oui, mais moyens, mais du coup, ils sont devenus géniaux. En vrai, si ça peut aider des jeunes à genre. Non, moi, c'est ce que j'allais dire. C'est ça. Et en fait, cela leur permet de travailler. Plus dans les trucs, c'est génial. Et aussi, ils doivent inventer. Et ils peuvent également inventer leur maison. Ce qui est quand même un peu rigolo pour dire. Non, mais du RP, c'est bien. Cela leur permet de travailler leur imagination et leur manière d'écrire, raconter des histoires. Moi, je trouve ça génial. Ouais, moi, j'aime bien aussi. Moi, je trouve que c'est juste un concept qui est trop bien, mais de manière générale, c'est-à-dire. D'apprendre en s'amusant et en rendant le truc ludique par le prisme de la pop culture à s'intéresser à des trucs. En fait, le truc c'est que c'est bizarre qu'ils aient besoin de raccrocher ça à Harry Potter alors que ça pourrait être juste une méthode d'enseignement globale. Oui, c'est ça, genre aujourd'hui on va imprimer un truc en 3D. Oui. Vas-y, tu fais un petit sondage qui veut faire quoi, c'est un peu stylé. Ouais. Mais c'est cool en fait, c'est peut-être un premier ça pas vers. Il y a un peu de magie dans l'enseignement. Oh, oui. Oui. Et c'était pas sorcier d'avoir cette idée. Oh, je tranche la queue. Snape. Justice. Des parents ont été condamnés à verser 30 000 euros à leur fils, à votre avis, pour quel motif? Ils ont posté une vidéo de lui sur internet assez qui le mettait pas à son avantage. À poil. Ah, il y avait le bébé de Nirvana là qui a déposé plainte. Ah oui. Alors ouais. Ce n'est pas ça, c'est pas lié à ça. Louis, le bébé de Nirvana parce qu'il était pédopornographie. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Pas pédophile. Non, parce que je crois qu'ils ont rien fait au bébé à part le prendre en photo, mais c'est quand même de la pédopornographie. Ouais. Enfin, il a attaqué son enfant. Il a été nu sans son consentement en fait. Exactement, ouais, c'est ce qu'il plaide. Qui est un cas assez nouveau et. Mais donc tous les gens qui ont été pris en photo. Oui. Et surtout là, il va se vendre de ouf du coup l'album, je pense. Enfin, si tu veux mon avis, mon pote. Si tu veux mon avis. Jusqu'à présent, c'était assez obscur. C'est un truc de niche, Nevermind. Mais retenez ceux dont Nirvana. Ils lui ont coupé trop Internet. Non. Et est-ce que ce serait pas parce que ils ont revendu toute sa collection de porno? Bien sûr. Je dis ça par hasard. Par hasard. Mais le flair de cette meuf. Natou, elle adore le porno. Alors non, c'est effectivement c'est ça. Ils ont jeté tous ses pornos. La justice de l'État américain du Michigan a condamné la semaine dernière un couple à une lourde amende, 30 000 euros, pour avoir jeté à la poubelle la collection de films et magazines pornographiques de son fils. Il a quel âge le mec? Alors j'y viens. Parce que qui a du porno aujourd'hui? 43 ans. Il a 43 ans. Il est jeune. Il est jeune. Je m'attendais à un vieux de ouf. Grave jeune. Les mis en cause, n'avaient pas droit de détruire les biens qui ne leur plaisent pas, a estimé le juge. Le magistrat a fixé à 30 441 dollars le montant de dommages d'intérêt à payer au plaignant. Pardon. Le couple devra aussi régler 14 500 dollars au titre du remboursement des frais de justice de son fils. Ce dernier, âgé de 43 ans, avait estimé à 29 000 dollars la valeur de ses objets, dont ses parents s'étaient débarrassés. Le juge a expliqué s'être quant à lui appuyé sur une évaluation réalisée par un expert. Donc j'imagine. C'est génial. Il avait des trucs cultes. Bah ouais. Ah ouais. Des films de culte. Il faut l'appeler. Un petit coup de pluie, ouais. Merci. Ouais, merci. Non mais attends. Et les parents vivaient chez ses parents, le mec. Oui, et les parents ont plaidé coupable. Donc déjà ça j'adore. Ouais, j'avoue, j'ai plaidé. J'avoue, je fais. Et elle dit mais moi je voulais te rendre service, mon fils. Ce à quoi il a répondu et non. Et mes pornos alors. Et donc voilà, 43 ans, 30 000 balles. Mais c'est moi qui lave les chaussettes dans lesquelles tu te branles. Et est-ce que du coup il a tout racheté ou est-ce qu'il a utilisé l'argent pour autre chose? Pour une asso. Ouais. Non, je sais pas du tout. L'histoire ne nous le dit pas. Mais en tout cas, voilà, il a. Vous avez déjà vu, vous, alors peut-être pas du porno, mais vos parents qui ont fait un espèce de truc un peu vénère de. Ah, soit n'y touche pas, ou laisse-moi tranquille. Ah, je vous ai déjà raconté dans le premier podcast où j'étais venu que le mec qui a réparé l'ordi. Hakim, le mec qui a réparé l'ordi du salon qui était l'ordi familial, il a dit à ma mère que je regardais du porno. Salaud. Oh, ça, c'est. Ah, c'est vraiment ouf. Ça, qui en plus d'être le fils du forgeron et qui balance. C'est ça. Vraiment. Et j'avais déjà dit dans le premier podcast, Hakim, je t'encule. Et je te le répète, Hakim. Non, je t'encule. Attends, on... je l'attaque en justice surtout. Ouais, voilà, 30 000 ouais, balles. Ça, ouais, il y a 30 000 balles. C'était culte, je crois, ce que t'avais sur son ordi aussi. Oh. Non, c'était juste. Tu n'avais pas. Elle avait déjà été faite. Juste un petit rappel. C'était juste un rappel, genre, je pense que t'avais peut-être des trucs de fou. Lucas, rien, toi, tu t'es jamais fait confisquer des trucs. Non, j'ai réfléchi. Si ma mère, elle confisquait des jeux, des manettes, elle perdait genre la moitié chaque année, ce qui revenait très cher. À chaque Noël, je demandais les mêmes choses, du coup, un peu pendant un moment. Mais elle confisquait des trucs et après elle les perdait. Elle les perdait. C'est incroyable. Comment elle tu fais perdait, comment quoi. Tu fais. Genre, je disais, mais la manette pour jouer, j'ai le droit. Elle fait oui. Mais parce que là, j'ai eu des super notes. Je sais pas où elle est. Et vraiment, quoi. Fin de l'histoire. C'était très frustrant. Non, ma mère, elle avait un truc où elle dit. Ça lui prenait à un moment, elle disait non, mais bon, là il faut jeter des trucs et tout. Et elle jetait genre des BD, enfin vraiment des trucs, ah ouais, à moi. Genre, je retrouvais dans le sac poubelle, genre un Tintin et tout. Je disais, mais ne jette pas, ne jette pas ça. Pas Tintin. Mais ça va valoir de l'argent, ça. Ça, tous les trucs où tes parents disaient non, mais ça plus tard ça va valoir de l'argent. Jamais. Non. Absolument jamais. Rien ne prend de la valeur. Tout se détruit. Expérience sociale. Deux Ukrainiens ont voulu tester leur amour de façon un peu tordue. Alors rien de crado, hein, je vous rassure. Et à votre avis, comment? Ils ont fait un PCR avec le même non. Le même truc dans le nez à tour de rôle. Hop, pour hop. Se marier. Non, pas du tout, c'est ils pas ça. Ils se sont fait mettre dans le même cercueil et enterrer. Non, c'est une expérience sociale. Pour faire un test. Ouais, une expérience sociale assez basique, hein, en vrai. Non, mais c'est être confiné pendant un an. Je sais, ils se sont menottés l'un à l'autre. Très très bonne réponse de Lucas, ils se sont enchaînés. Le jeune couple avait eu cette idée saugrenue pour prouver la force de leur amour le jour de la Saint-Valentin. Quel petit cadeau sympa. Quelle idée. Mais cette intimité forcée a eu raison de leur couple. Bien tout sûr, simplement. Évidemment. Alors qu'ils projetaient de se marier, ils sont en effet séparés. Et ben non, au bout de 123 jours, quand oh, même. Oh putain. Wow. Sachant que cette histoire a quand même pris beaucoup de place dans leur vie, parce que la jeune femme a dû arrêter de travailler, tout simplement. Bah parce que, oui. Ils pouvaient pas sortir. Parce qu'elle était. Alors je sais Maître pas quel métier c'est. Non. Un peu dur. Pompier. Non, elle posait des fossiles. Ah oui, t'as un gars. Donc il y a un gars à côté qui regarde comme ça. Et tu le fais avec une main en plus, du ouais, coup. Et qui en plus lui est maçon, donc vraiment c'est très relou. Il est DJ, donc c'est un peu chiant. Non, mais voilà, donc Victoria Pustovitova et Alexander. Est-ce que Kudle. C'est un record Guinness ça? Je sais pas du tout. J'espère. Bah, ça se trouve moins, même pas en plus. Gravé ouais. Dans la roche. Ce serait. Ah oui, pour nos familles et nos proches, tu veux oui, dire. Bien sûr. Non, mais là, ça a eu raison de leur couple, tout simplement. Mais une belle idée de toute façon, à partir du moment où tu aimais cette idée, déjà, faut se séparer. C'est si, c'est vous, c'est tous fin, les deux, vrai, vous trouvez que c'est une bonne idée, bon, mais en fait, c'est pas. Il y a des qu'on... photos Insta que je vous invite à regarder où, de base, tu sens que les gens se forcent en se disant. Ah, c'est un peu malin et marrant, non? Et ils sont déjà très malheureux. Il y en a aucun qui veut être celui qui fait stop. Machine arrière. Donc fait oui, oui, mais on va le faire, ça va être vraiment bien. 123 jours, vous vous rendez compte? 123 jours. Oui, parce qu'après, il y a tout. Il s'est coupé le bras ou presque. Tu sais quoi? Il y a pipi, caca, il y a tous ces rapport trucs-là. Film, ah, oui. 128 jours. Oui. 127 jours? C'est combien de jours? C'est 60 jours, 60 nuits. Non. Je sais pas. Tu sais plus le film 127 avait... heures. 127 heures, oui, bien c'est sûr, vrai. C'est plutôt oui, heures. Des jours, c'était c'est beaucoup. Très long, parce qu'il est quand même pendu à un rocher. Donc vraiment, c'est un peu. Il est pas pendu, il est pieds au sol quand même. Vous voyez de quoi on parle ou pas? Les amoureux non. De Cinoche, ouais, c'est vrai. C'est ça. C'est ils sont vrai, pas autour de cette table, mais. J'ai l'histoire. J'ai l'histoire. D'accord. Le film est pas. Bon. Invention. À force de travailler dans le monde du festival de musique, deux femmes ont inventé quelque chose d'assez révolutionnaire, à votre avis. Quoi? Alors, un truc contre les hommes. C'est pour Quentin, c'est pour Mid. Non, c'est un truc contre les agressions sexuelles. Pas du tout. C'est pour pisser. Très bonne réponse. C'était ma première idée. Des urinoirs pour femmes. Un prototype de leur des création. Des toilettes, ça existe. Non, des urinoirs. Pour juste pour la petite commission. Ouais. Voilà. Alors pourquoi non, mais attends, il y a toute une histoire. Parce que toi, tu regardes ça avec ton œil de mâle, mais tu vas voir. Écoute bien. Non, mais moi, déjà, les urinoirs pour hommes, je trouve que c'est de la merde. Ah ouais? Bah non. C'est de la pisse. Ah, mais oui, c'est de la pisse. Et dans ta gueule, mais il pleuvait à tort. Là, je déteste les urinoirs, moi. Non, mais quand il y a le petit plastique designé par des ingénieurs dont le but est d'amortir l'urine. Oui, mais ne crée aucune éclaboussure. Moi, la raison pour laquelle je déteste les urinoirs, c'est que moi. Tu mélanges pas avec le truc où faut sécher les mains. Je pisse à temps, moi. Attends, les urinoirs, c'est Dyson. Forcément, ça te revient dans la gueule. C'est Dyson, les urinoirs, c'est ça. Non, non, mais moi, c'est juste qu'une fois que j'ai uriné, j'aime m'essuyer le pénis avec du papier. Ah, il y a que tu peux pas faire ça dans un urinoir. Mais non, mais tu l'essuies sur la céramique, comme tout le monde, sur le côté. Céramide. Qu'on la secoue ou qu'on l'agite, la dernière goutte est pour le slip, les amis. Putain. Et ça, c'est dans Born a Loser, vous pouvez vous le procurer partout. C'est la piste cachée si vous écoutez le disque à l'envers. La piste cachée. Oh, merde. Moi, je vais vous dire tout le contraire. J'adorerais avoir un urinoir chez moi. Mais pareil. Mais fais-le. T'es mais farfelu pareil. En plus. Oh, un petit univers. Je suis pouf-souffle. Farfelu. Et je rajoute que t'as ton petit univers à toi. Non mais c'est vrai. C'est vrai, j'ai mon petit monde. C'est ça. Non, moi j'adore les urinoirs, au contraire. Ah, moi je déteste. L'urinoir partage. Mais oui. Mais c'est ça, c'est polarisant. Mais alors là, pour le coup, pourquoi ils ont inventé l'urinoir pour femmes au festival Comedy Garden de Bristol? Ça s'appelle Peak Wall. Voilà, parce que le but est d'être à égalité hommes et femmes. Ça permet un passage aux toilettes pour les femmes 6 fois plus rapide qu'avant. Parce que les femmes, quand vous allez aux toilettes, bah parce que non, quand tout le monde te voit pisser, tu pisses plus vite, j'imagine. Non, alors c'est pas ça. C'est qu'il y a souvent des longues files d'attente aux toilettes pour les femmes. C'est vrai. Parce que voilà, il y a des portes, il y a moins de shots. En fait, tu prends les toilettes masculines, tu peux avoir 10, 12, 14 urinoirs, alors que pour les femmes, il y a genre 4 trucs pour s'asseoir. Bien sûr, bien sûr. Tirez-toi urinoir pour femmes. Ah ouais, mais ce serait génial. Mais attends, comment sachez, l'étude, en fait, pourquoi elles ont inventé ça? Leur étude dit que non, mais c'est intéressant. Les femmes en général attendent 34 fois plus longtemps qu'un homme. Mais c'est pour non, mais moi je... Mais si, parce qu'en fait, les toilètes. Non, il y a moins de toilettes en fait, c'est ce que je te dis, c'est que sur 10 c'est mètres mixte, carrés, les on toilettes, a le même nombre de cabines, sauf que nous, il y a des urinoirs en plus. C'est quoi, ça, voilà, c'est ça. Et donc mais... ça passe plus vite quoi. Parce en termes de. Est-ce que tu as vu. T'as vu un schéma ou comment ouais, ça ouais, se dit ouais, parce non, que genre, t'es dos joli. Au mur et donc tu regardes les gens en train de pisser comme ça, bonsoir. Mais non, pas du tout, regarde, c'est ça qui est assez chouette. Le peak wall cache la partie inférieure du corps et limite les risques d'éclaboussures intempestives et les manipulations avec les mains. Il y a un petit schéma que je vous invite à regarder sur internet, c'est The Guardian qui a interviewé les inventeuses. Je sais pas si c'est un mot qui dit. Si, bien sûr. En gros, ça ressemble à ça. Alors, c'est pas très. Très beau. Ouais, c'est attends, qu'est-ce que c'est que ça? Et ben voilà, et en fait, ça permet de. Je vous invite à regarder ah oui, sur le donc site. Ça, c'est les murs et ça, voilà. C'est les urinoirs. Et donc, au lieu de mettre un truc en céramique avec des portes et tout, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Il y a la place pour faire des cabines et des toilettes normales ou oui. Je rêve. J'ai un peu l'impression. Oui, j'ai un peu l'impression, je suis désolé. Hein, mais... Bon, en tout cas, là, pour le moment, c'est un franc succès, ça marche très bien. Bah, super. Donc voilà, surtout dans les festivals où apparemment, c'est toujours un peu l'enfer de. Ah, c'est l'enfer globalement dans les. J'allais lancer le sujet. Non, mais c'est. Non, mais vous êtes connecté. De façon. Les toilettes sèches. Les toilettes sèches. Après, vous, les filles, vous avez tout pissé en même temps. C'est ce que vous vous dites. C'est ton stand-up, ça. Ouais, c'est le prochain spectacle de Le Cap. Ouais, première partie de Baptiste, c'est un truc sur les hommes et les femmes. J'ai raison ou pas. Les différences. J'ai raison ou pas, c'est ça. J'ai raison ou pas. Il y a des gens comme ça dans la salle. C'est le non. Non, mais c'est l'enfer. Globalement, moi j'ai fait beaucoup de festivals cet été et à chaque fois, forcément, je dois faire pipi. Je dois faire aussi la grosse commission. Bien sûr. Chier. Et c'est chier, faire caca, quoi. Dans des toilettes sèches. Et en fait, bah, c'est tout, quoi. C'est un peu la loterie de comment vont être les toilettes dans le festoche. Et c'est jamais un plaisir. Et puis pour les hommes, en festoche, surtout, passer 21h, tout le monde s'en branle. Ils pissent vraiment sur le côté. Une anecdote sur les partout, toilettes. Partout, d'ailleurs. Hein. Ouais. Sachez que vous faites la petite cuvette, peut-être tout le monde la connaît, hein, mais vous faites la petite cuvette en papier, là, genre... Ah Adrien, la fameuse protection En U là, oui. En voilà, sûr, voilà, en U, ouais. Nanana. Ouais. Et ben, sachez que c'est pire. C'est pire de faire ça. Ouais. C'est genre les cuvettes sont designées de manière à diminuer le plus possible le nombre de bactéries transmises, nanana. Et quand tu fais ton siège en PQ là, tu niques tout le processus du truc. Ah ouais. Et peut-être que là, j'ai dit une énorme fake news. Et qu'il y a un nombre de mycoses, mon pote. Et tu vas tomber, mon pote. Tu vas tomber, mon pote. Non, je vous assure. J'avais vu ce truc. Je l'ai déplacé, ce truc-là. Mais psychologiquement, je veux une protection entre mon cul, quoi. Il faut juste pas s'asseoir. Oui, voilà, moi je suis en. Ouais, moi je fais ça. Moi je m'assois pas. Moi je me tiens la poignée et je suis en. Vous l'avez déjà fait le débat qui divise le plus la société? Israël-Palestine, on l'a fait, mais on le fait pas à la radio. Ah, dommage, vite. Je voulais grave le faire. Je suis grave déçu. Non. J'allais dire. Est-ce que tu fais la grosse commission assis ou debout? Attends, comment debout quoi, pardon. Dans la vie comment, est-ce que, non, est-ce que quand tu t'essuies, pardon. Ah, mais tu, bah, assis ça, ou debout c'est vous l'avez fait ou pas ce débat? Non, mais moi c'est marrant parce que j'ai changé. Genre là, il y a. Putain, mais c'est vrai que t'as évolué dans ton art de. Ouais. Non, mais avant, mais ça se voit, je trouve. Non, mais c'est pour ça que tu dis que je suis beau, c'est pas les vacances. C'est que maintenant je me torche assis. Maintenant. T'as l'air vachement épanoui, mec. Ouais, et donc t'es passé de debout à assis? C'est ça. Et bien? Ouais, mais pourquoi, ça dépend pourquoi, un peu de ton cul fait. Aussi. Parce que moi j'ai pourquoi, un gros cul par exemple, et assis du coup c'est plus galère, tu vois. Mais je ne savais même pas que c'était possible. Je peux happer en fait, ma main. Assis en gros, tu lèves juste une fesse. Ouais, et c'est debout, ça. C'est vraiment tu te lèves quoi. Tu ouais. Lèves les deux fesses quoi. Tu te lèves, moi je remets à moitié mon pantalon. Ah oui, c'est pas debout bien droit. Non, mais c'est ah, genre oui, t'as tu te cambres un peu. D'accord. Oui, tu te penches. Ah, moi c'est debout. Bien le trou de balle. C'est debout. Droit comme un hip. Ok, regardez, qui est debout en poirier. Moi c'est en poirier perso. Moi c'est debout moi. Debout, ok, mid. Debout. Nat. Tu lèves une fesse. Tu veux pas le dire, tu veux pas le dire. Ça et Crocs, c'est les deux trucs que tu veux pas partager. Je me suis jamais posé la question en fait. Mais tu vois, c'est ça qui est ouf. Refais c'est que tu ne conçois j'ai pas qu'il y ait deux manières. Allez. À une main, tu le fais à une main, comme un holly. Le cul un peu surélevé. Oui, voilà, c'est ça, assise donc, quoi. Deux. Assise. Ouais. Plus ou moins assise. Un entre deux. Un entre deux. Mais ça, c'est tout toi, Nathalie. Allez, passez de deux mains à six. C'est ça. Donc maintenant, tu lèves qu'une fesse. Et toi, Lucas. Ouais, je fais ça. Voilà. Bah, moi, je lève qu'une fesse aussi. Et j'ai fait. Ouais, comme ça, exactement. Et je vous jure que ce débat est ouf parce que les gens n'arrivent pas à concevoir qu'il y a deux manières en fait. Bah, tu vois, mais moi, je suis ouvert. Mais c'est vrai. Toi, tu passes de l'un à l'autre. Et de derrière vers l'avant ou de l'avant vers l'arrière. Et ben, ça, pareil. Moi, je fais de. Quand quelqu'un m'a dit que ça se faisait de devant. Attends, du coup de derrière vers devant. Le niveau est très haut. Attends. Ouais, non mais ouais. En passant par l'avant quoi, se torcher en se passant par l'avant. Attends, là c'est pas clair. La main. Non, c'est clair. Il faut le faire de l'avant vers l'arrière, c'est beaucoup plus hygiénique. Ah oui, d'accord. Oui, bah oui. D'accord. Sinon tu te ramènes des particules de merde sur les couilles, mon pote. Quand tu es pourvu de couilles, bien sûr, évidemment. Ouais, évidemment. D'accord. Non, mais moi ça pour le coup je l'ai pas conscientisé. Je sais pas dans quel sens je le fais. Moi je fais, tu vois, je fais des tours quoi. Bah toi tu mets du PQ et tu te laisses. De toute façon de base moi qu'il en reste ou pas, enfin, tu sais, au bout d'un moment j'en ai marre, il y a trop de papier. Alors on va passer à la suite de l'émission. Je rappelle d'ailleurs que vous pouvez nous suivre sur Twitter. Pourquoi je dis ça? Parce que des fois je vois des gens qui m'envoient des news. Adrien, toi tu vas pas trop sur le Twitter de l'émission, voire disons-le absolument pas. J'ai toujours pas retrouvé les codes que tu es censé m'avoir envoyé. Vous pouvez m'envoyer des news un peu insolites sur le Twitter, parce que comme ça me permet d'aller un peu plus vite quand je prépare les émissions. Voilà. Donc, s'il y a des trucs qui vous font marrer et tout, on pourra en parler dans l'émission et faire jouer les gens. Ne me taguez pas. Non, mentionnez que Floodcast. Sinon du coup je le sais et je ne peux pas jouer. Parce que des gens le font déjà un peu intuitivement, et c'est vrai que des fois je tombe sur des trucs que je tombe pas sur mes sites habituels, et donc du coup c'est toujours kiffant quoi. Donc vraiment. Lionel mes sites. Lionel et aussi arrêtez de nous envoyer les trucs sur le Puits du Fou par contre. C'est vrai que ça faisait longtemps la pluie. Un petit coup. Attends. Ah merde, je sais plus si c'est le 4 ou le 5. Ok, c'est bon. Mais attends, les autres, c'est quoi? C'est des effets? Des trucs vont arriver. Oh yes. Parce qu'on a reçu aussi beaucoup de messages, Adrien, sur le jeu vidéo du Puits du Fou. Bah, bien sûr. Voilà, parce que nous, en fait. Oh, j'ai vu ça. Mais moi, je vais faire un. Sûr. Parce qu'autant. On a tous pensé à vous. Je vais le streamer, hein, c'est sûr. Je me suis dit, ça pouvait être, un jour on fait un truc pour une asso ou quelque chose, ça pourrait être un donation goal pas mal, de dire on stream le Puits du Fou, le jeu, quoi. Parce que nous, le Puits du Fou, ce qui est rigolo, c'est qu'on leur chie dessus depuis, quoi, un an. Et ils nous draguent toujours plus, ouais. Et ils nous envoient des messages, ils disent oh, vous critiquez, mais vous devriez venir. Et on fait bah, jamais, enfin vraiment, plutôt crever qu'aller. Et donc, du coup, à chaque fois qu'il y a un truc, les auditeurs nous envoient. Vous avez joué au jeu Fort Boyard? Ah putain, j'allais le dire. Je l'avais offert à un de mes meilleurs potes à Noël. Qui a joué? Excellent. Le jeu de vidéo Fort Boyard? Oui. Putain, moi j'allais pas du tout dire excellent. Non, mais excellent tellement c'est nul à chier. On a tellement ri. Ouais, c'est hilarant. C'est hilarant. Est-ce que tu l'as streamé? Bien sûr que non. Ça m'a donné envie. Il est dans mes recos à la fin culturelle. J'en reparlerai. Mais vraiment, genre, il est dégueulasse. C'est vraiment ignoble. Mais c'est Fort Boyard. Alors on y joue quand même, on apprécie. Ouais. Ouais, je vous invite à l'acheter, à y jouer. Mais alors, d'autant, je voulais en parler un peu plus tard, mais C'est sur PC? Ouais. Entre autres, ouais. D'accord. Parce que toi, t'as le jeu vidéo Fort Boyard, mais pourquoi jouer au jeu vidéo quand on a fait Fort Boyard, Lucas? Toi, tu as fait Fort Boyard avec quand même Tex. C'est vrai. J'ai une anecdote que qu'on rappelle. Je sais pas si je l'ai dit. Tex, le cousin de Yvick. Cousin de Yvick le Texier. Et c'est pas du tout pas une blague. Yvick, parce qu'en fait, Tex, ici, c'est dans le podcast où les vedettes se livrent. Il a dit ici dans le podcast. Mr V nous a avoué que Tex, l'humoriste, est de sa famille. Quoi? Il vous a fait un méga gag. Non. Tex, non. Le Texier, c'est son vrai nom à Tex. Wow. C'est de là d'où ça vient. Et c'est un cousin éloigné d'Yvick. Lucas, comment c'est possible en Lucas fait. Est en train de se dégueuler dessus. Non mais après une fois que tu le sais, tu vois le. Tex en fait de son vrai nom. Tex quand il fait ma bite, tu vois des trucs comme ça. Tex de son vrai nom, Jean-Christophe Le Texier. Il est de la famille de Yvick mais Le Texier. Elle est fausse. Lui c'est en deux anecdote. Mots et Yvick c'est en un seul mot, je crois. Donc non, tout est faux. Vas-y, vous foutez. Non, je te jure. Écoute le Floodcast avec Yvick. Je sais pas si c'est vrai, mais je te jure sur ma vie qu'Yvick nous l'a dit. Parce que vous êtes le genre de gars, je sais que vous seriez capable de tenir un gag sur moi. Mais pas tant en plus. Je te jure que non. Je te jure, écoute le Floodcast avec Yvick, il le dit dedans. Okay. Après, ouais, si vraiment. C'est cas, une vanne, c'est Yvick qui l'a fait. Fort Boyard, c'est. Ouais, je l'ai fait donc, c'était assez ouf. Moi, je voulais trop. Tu sais, j'étais en mode trop challenge, genre ouais, je vais prendre sur moi. J'espère que j'aurai des trucs avec des araignées. Parce qu'en fait, ils te filent une fiche médicale. Où tu dois dire les trucs, ouais. Tous les trucs que tu dis, genre je peux pas ça. Et c'est vraiment une fiche médicale, c'est pas un formulaire, c'est un truc médical, genre voilà, ça je peux pas, ça je risque ça, ça le médecin il a dit ça. Ils te mettent toutes les épreuves En question. Okay. Tous les trucs, genre, si tu dis, moi je vois une araignée, mon cœur s'arrête, je meurs. Ouais. Mon gars, tu peux être sûr que tu vas avoir des araignées. Tu vois. Ah ouais. Alors que c'est une fiche médicale, ça qui est ouf. Et moi j'avais mis un truc, genre, j'avais la. Enfin, maintenant ça va un peu mieux encore, mais à l'époque j'avais la thalassophobie, tu sais. Genre, j'ai trop peur d'être dans la mer quand je vois pas ce qu'il y a sous moi. Et tout. Évidemment, très bon choix de jeu, du coup, en plus. Excellent, ouais, très bon choix de jeu, exactement. Ils m'ont dit, bah excellent. Donc, bref, je me retrouve à faire très peu d'épreuves. Très peu d'épreuves, et d'un coup. Il m'allonge sur une planche en haut du fort là. Tu sais, c'est un truc où genre t'es tyrolienné par les pieds et tu dois t'allumer. Tout est méga dangereux. Quand tu vois, genre, tout est méga dangereux. Il tire des fléchettes enflammées. Non, mais genre, je dois allumer un fumigène en l'air. Mais tu sais, un fumigène quand t'es pendu par les yeps, bah tu sais, il touche un peu ta tête. T'es un peu paumé quoi. Donc et ils font bien, tend bien le bras vers la gauche quand il nous faut l'indice. Ouais, ouais, exactement. Et bref, donc il m'allonge sur une planche avec genre une combi de plongée et une veste en plus par-dessus parce que l'eau est très très froide. Et deux briques. Et il m'allonge sur cette planche, donc c'est-à-dire sous moi il y a 30 mètres. Putain. Il m'allonge sur cette planche comme ça pendant genre 30 minutes, j'attends. Tout ah seul, oui, d'accord. Tout seul sur ma planche. Et ça caille en plus. En mode. Ouais. Non, justement. Ah ouais. Le soleil est tapé méga fort. Ah ouais. Et donc moi je commence à avoir chaud, mais très très très très très chaud. Genre vraiment très chaud. Et puis d'un coup, Olivier Mine qui arrive avec les autres et tout, tu sais, pas de transition, personne me prévient. Ils arrivent, tu vois. Ils me disent, bon bah voilà, Squeezie, il faut y aller. Il vous faut ce truc là, vous devez gagner. En plus, notre équipe elle était nulle à chier. Regardez le replay. regardez le replay. Aucune équipe n'a été plus nulle que nous. C'est genre impossible, tu vois. Et bref, j'arrive dans l'eau, donc je suis suspendu par les pieds, j'arrive dans l'eau. Mais comme j'ai été 30 minutes au soleil, avec une double combi et que mon corps il était à 8000 degrés, tu vois, j'étais un putain de titan de SNK. J'arrive dans l'eau et je me prends un choc thermique fulgurant. Et je suis genre, oh, j'ai envie de gerber et tout. Ah, vraiment, genre, dès que j'arrive dans l'eau, je suis en mode gerbe. Ensuite, il y a la vapeur des bateaux de secours tout autour de moi, des moteurs que j'inhale directement, tu vois. Je suis en mode, ah, pas mal. Et ensuite, je prends un espèce, comment ça s'appelle, tu sais, les sea glides, genre où t'appuies et ouais, ça te fait avancer sous l'eau. Ouais. Sauf qu'on m'avait pas dit qu'il fallait retirer la bouée. Donc quand j'appuie sur le bouton du sea glide, je vais à 3 mètres sous l'eau direct. Oh là là. Et là, je prends le combo de tout ça. Et je suis là, genre, ouah, je suis sonné, je sais plus, j'arrive à faire le truc qu'il faut. Et j'arrive, je remonte, tu sais, à quai sur le fort, quoi. Et je leur dis, les gars, je suis trop mal de fou. Je crois que je vais gerber, je me suis pris un choc thermique, de la vapeur, de tout. Ouais. Et ils font, ah! Mais non, et tu sais, il y a un médecin un peu du fort. Le médecin il fait, oh mais non, mais ça c'est normal. Attends, on va t'emmener c'est à un endroit. C'est l'air de La Rochelle. On va t'amener à un endroit, t'inquiète et tout. Et en fait, ils m'ont ramené littéralement sur l'épreuve devant suivante. La, ouais, devant la caméra avec les bah autres, oui, tu vois. Parce qu'ils aiment bien. Et oui. J'étais là, je genre. Je te mets vers le tigre, t'inquiète. Et voilà, donc j'ai vécu comme une grosse trahison. Mais j'ai pas kiffé ce truc-là. On n'avait pas eu quelqu'un d'autre qui nous avait raconté un peu de convoyeur comme quoi il y a Big Flo et Oli. Mais Anne-Sophie Girard nous l'a dit aussi. Et Audrey Pirot aussi. Ah ouais, un peu des traîtres qui font exprès. C'est des méga traîtres et c'est super dangereux. Anne-Sophie qui avait dit, je veux surtout pas. Non, c'est elle. Ouais, c'est ça, surtout pas d'araignée. Elle a dit, moi je veux bien tout faire, mais sauf les trucs avec les araignées. Et genre, ils lui ont mis vraiment le truc qu'elle avait dit, je veux pas faire, quoi. Et comment il baisse tout le monde, c'est que c'est une fiche médicale. Fort Boyard et Cancel. Toi, tu penses, tu t'adresses aux médecins et tout, et c'est vrai, mais eux, ils chopent les infos de ce que t'as dit et ils te challenge, tu vois. Après, le médecin, c'est le père Fouras. C'est le père Fouras. Donc, c'est là où tu sais que c'est. Mais oh, c'est bien. On m'avait dit un humoriste très connu, dont le nom de famille est une voiture, je sais, Jérémy Ferrari. Lui, il avait dit carrément, en fait. Je sais que là vous me faites ça pour que je vous dise des trucs et que vous me mettiez dedans. S'il y a des serpents, je les tue. Enfin, il avait un truc de. Moi, c'est un réflexe en fait. C'est que ça me fait tellement peur que je vais avoir un vieux réflexe de merde de les écraser avec mon pied et tout. Donc, vraiment, le faites pas. Hein. Et du coup, ils ont fait. Ouais, non, du coup, si tu tues les. si tu ah, tues ils l'ont les... pas fait. Non, ils l'ont pas fait. Okay. Si tu tues les serpents à coups de talon, à coups de talon. Non, tu mets rien et c'est la surprise. Non, mais ouais, faut vraiment être. Ouais, faut vraiment. Bah, faut dire des dingueries comme ça, quoi, pour que. Eh bien, alors, sachez que vous m'offrez une transition toute trouvée. Je tue méga gaffe. S'il y a un serpent, je tue méga gaffe, ok. Je une transition toute trouvée pour le jeu suivant. C'est le jeu du Fouras. Jean-Michel Jarre. Wow. Ah, le remix. Le jeu du Fouras. L'imitation. Fais des petits applaudissements pour l'imitation. Alors, ne te crois pas si bien, parce que tout le concept, c'est qu'il y a le père Fouras qui va nous rejoindre. Wow. Mid, bien sûr. Non, il va venir. Il va venir. Bon, depuis attendez. Le fort. Du fort, mais il est passé sur Paris ou alors, il est venu exprès pour. Il est venu exprès pour l'émission. C'est génial. Comme vous le savez, Fort Boyard, c'est quoi? C'est des vedettes qui viennent défendre des associations. C'est ça, pour gagner des boyards. Le concept, c'est que le père Fouras fait tout pour que. Vous ne gagnez pas d'argent pour aider des associations. C'est quand même ça le Fort Boyard à c'est la base vrai. Quand même. Si tu veux gagner le plus possible, le Fort Boyard il fait ouais mais fais de la tyrolienne. Bon bref. Quelle pince. Énorme pince. Donc le jeu est le suivant. Le père Fouras va venir vous faire des énigmes. Si vous ne trouvez pas la réponse, il fera des trucs contre des associations. Et si vous trouvez la réponse, vous pourrez faire de la promo pour l'association de votre choix, en parler dans l'émission si les gens veulent faire des dons. Très bien ? Est-ce que vous avez compris ? Oui. Le père Fouras nous rejoint tout de suite. Oh ! Oh ! C'est reposant. Oui. Je suis le père Fouras. Bonjour. Bonjour. Bonjour père Fouras. Bonjour père Fouras. Ah, déjà, je tenais à vous le dire, Squeezy First. Voilà. Non, merci père Fouras. Merci beaucoup. J'ai passé un très mauvais été. Franck Gastambide m'a volé un nain. Alors je suis venu très énervé. Très très énervé. Tout le monde me fait la blague. Oh, c'est qui ? C'est passe sanitaire, passe partout, j'en ai marre. Alors, je viens vous faire des énigmes. C'est un petit peu écrit. Je viens vous faire des énigmes. Car je déteste les assos. Je commence avec Adrien Méniel. Bonsoir. Adrien, tu as 10 secondes pour répondre à cette énigme. Si tu ne trouves pas, je brûlerai un hôpital. Alors, Adrien, capable de marcher sur la tête, avec ses œufs, on ne fait pas d'omelette. Souvent très laid, toujours avec fierté, il gratte le cuir avec assiduité. Qui est-il ? Je répète ma question. Capable de marcher sur la tête, avec ses œufs, on ne fait pas d'omelette. Souvent très laid, toujours avec fierté, il gratte le cuir avec assiduité. Il gratte le cuir. Il te reste 7 secondes. C'est quoi le premier, c'est ? Capable de marcher sur la tête avec ses os, on ne fait pas d'omelette. Non, Souvent très laid, toujours avec fierté. Un pou. Très bonne réponse. Wow. Et oui, wow. Et oui. Capable de marcher sur la tête. Eh bien oui, les poux sur la tête. Oui, avec ses œufs, on ne fait pas d'omelette. Et oui, tout le monde très laid. Lente. Comme un pou. Laid comme un pou, bah oui. Et toujours avec fierté, fier comme un pou. Et puis il gratte le cuir. Le cuir chevelu, et oui. Bonne réponse. Alors ça me fait chier car vraiment je déteste les assos. Ah merde, j'ai pas de. Est-ce qu'Adrien, tu veux faire la promotion pour une association ? Est-ce que tu veux attendre un peu le tour de la, un petit oui, tour de. Je garde pour plus tard. Très bien, je t'avais demandé quand même hors antenne, mais c'est pas grave. Florent m'avait demandé. Florent, mais c'est pas grave. C'est super dur. Mid, est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt, père Fouras. Attention, je te rappelle que si tu ne trouves pas, je frapperai à la sortie de Châtelet quelqu'un qui veut donner de l'argent à une asso. Ok. Sans lui, pas de culture. Sa clé n'ouvre aucune serrure. Le gymnaste peut y exceller. Les jeunes peuvent y être claqués. Qui est-il ? Bien sûr. Sans lui, pas de culture. Sa clé n'ouvre aucune serrure. Le gymnaste peut y exceller. Les jeunes peuvent y être claqués. Ah, encore, s'il vous plaît. Tu chies dans la colle, Mid. Sans lui, pas de culture. Sa clé n'ouvre aucune serrure. Eh bien, c'est le sol. Mais oui, oui. Mais très bonne réponse. Mais oui. Sans lui, pas de culture. Oui. C'est dans le sol qu'on cultive la terre, tout simplement. Sa clé n'ouvre aucune serrure. La clé de sol. J'ai pris de la conque, oui, bien sûr. Le gymnase peut y exceller. Et oui, gym au sol, bien sûr. Et les jeunes peuvent y être claqués. La fameuse expression jeune claqué au sol, bien sûr. C'est grâce à celle-là, Perforas, que j'ai trouvé. Alors, les auditeurs ne le voient pas, mais je fais le signe de Joule, bien sûr. Je suis jeune. Très bonne réponse. Alors, Mine, est-ce que vous avez une association ? Même si vraiment ça m'énerve, ah, je moi déteste. Je vous dis la SPA évidemment. La SPA évidemment, ils méritent. J'ai pensé aussi. Je les aime. Moi je m'associe à Mid. Très bien. Voilà. Si tu n'avais pas trouvé, j'aurais brûlé un chiot. Non, et donc tu l'as trouvé. Très bonne réponse, bravo. C'est au tour de Nathalie. C'est si dur, putain. Je suis comme toi, je suis terrorisé. J'ai passé un super moment. Perforas, il m'a. Oh, Nathalie. Il est sympa et tout. Mais... Nathalie, si tu ne trouves pas. Je finance Daesh. Alors, non mais sans mettre de pression. Alors, elle est mauvaise ou grise, mais sans elle, pas d'écrit. La fait matière. Elle fait des pompes, du gainage et des burpees. Juge avec la jeune Leslie, elle a chanté sobri. Au pied d'un olivier sur le fort, elle régit. Qu'est-elle? Je répète ma question. Elle peut être mauvaise ou grise, mais sans elle, pas d'écrit. Elle fait des pompes, du gainage et des burpees. Avec la jeune Leslie, elle a chanté sobri. Au pied d'un olivier sur le fort, elle régit. Qui est-elle ? Je l'ai grâce à Leslie et à Adrien qui m'a soufflé la réponse. La mine. Très bonne réponse. Eh oui, eh oui. Elle est mauvaise ou grise? Il y a mauvaise mine, grise mine. Mais sans elle, pas d'écrit, la mine du crayon. Antoine Griezmine. Elle fait... Calmos les amis. Elle fait des pompes du gainage et des burpees. Bon bah c'est, voilà, Olivier Mine tout simplement. Car au pied d'un olivier sur le fort, elle régit, Olivier Mine. Avec la jeune Leslie, elle a chanté Sobri. Amine, et bien sûr, le chanteur. Oh, alors... Nathalie, peut-être une association à laquelle tu penses? Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui même, du coup, dans le passé, les auditeurs, il y a On est prêt qui a lancé sa compagne. Mais sa c'est compagne. Bon. Et peux-tu donc, dire ce qui On est prêt? Peux-tu dire ce qu'est On est prêt, Nathalie? Oh là, Florent, vous avez repris le rythme de l'émission. Eh bien oui, Perforas. Voilà, c'est un petit spectacle que je fais à la rentrée. Super. Je vous en prie. En fait, là, ils sont en train de lutter pour la protection des animaux sauvages. D'accord. Et donc... je vais aller dans un refuge ce mois-ci et tout, visiter un refuge qui aide les animaux sauvages en France, et ça va être trop cool. Trop bonne nouvelle, trop bien. Allez, au fleur vidéo. Oh, oh, Perforas, c'est là. Tout va bien? Oh, ramène le défibrillateur. Oh, je me suis chié dessus. Oh, je me suis chié dessus, c'est une catastrophe. Oh, ma petite pakistanaise me vole mon argent. Les gars. Oh, oui. C'est ma hantise, désolé. C'est allez, un truc allez. De fou, les gars. On te soutient. T'inquiète. Le matin, je suis sur quatre pattes. Je marche sur deux pattes. Non, alors. S'il accompagne un film, je bande. De la queue comme au billard, qu'elles accompagnent en bande. En vieillissant. Attendez, non, j'ai même. Je recommence. Allez. Oh, je suis vieux. Oh, mes enfants viennent plus me voir. Je suis tout seul. Le Covid, c'était dur. Le confinement, c'était dur. S'il accompagne un film, je bande. De la queue comme au billard, qu'elles accompagnent en bande. En vieillissant, je l'ai perdue. Et dans le fort, elle n'est plus. Qui est-elle? Je répète ma question. S'il accompagne un film, je bande. De la queue comme au billard, qu'elles accompagnent en bande. En vieillissant, je l'ai perdue. Et dans le fort, elle n'est plus. Lucas Rochard. Oh, c'est la boule. Oui, c'est la boule. Oh, yes. Oui. S'il accompagne un film, je bande. Et eh bien oui, le film de boules, bien sûr. De la queue comme au billard, qu'elles accompagnent en bande. Eh oui, les boules, les billards, tout absolument, simplement. C'est celle-ci. Et en vieillissant, je l'ai perdu. Eh bien, c'est la boule, puisque je perds la tête, je me chie dessus, je mélange les nains. Dans le fort, elle n'est plus. Et eh bien, c'est la boule, bien sûr, qui nous a quittés il y a quelques années. Voilà. Très bonne réponse, vous avez trouvé, Squeezie. Bonne réponse. Merci, Perforas, merci beaucoup. Alors, j'en ai encore quelques-unes, mais je les garde pour plus tard. Vous savez quoi, je les garde pour les prochains invités. Vous avez tous trouvé très vite. Je pensais que vous alliez beaucoup plus galérer. Alors, on avait que 10 secondes, hein, Perforas. Vous aviez que 10 secondes, c'est vrai, mais. L'assaut. Je peux défendre mon. Alors, évidemment, j'allais y aller, Perforas. Vous aimez tellement peu les assauts que vous avez oublié que j'avais. Ne faites pas le crevard. Je déteste ça et je perds la tête. Alors, Lucas, allez-y, je vous en prie pour votre association. Moi, je parle de Petit Prince et CKDB, qui sont des associations qui viennent en aide aux enfants malades. Voilà, c'est que du bonheur. Hôpitaux. Et franchement, j'ai plusieurs fois bossé avec les deux et tout. Et c'était ouf, c'était vraiment ouf. En fait, j'ai vu sur le terrain l'effet de ce qu'ils proposent. Et l'effet, il est vraiment colossal, quoi, sur les enfants malades. Donc voilà. On l'avait fait aussi avec Golden, je me souviens, Adrien. On y était allé aussi. Ouais, puis les mecs les mecs et les meufs qui gèrent cet assaut, tu sens qu'ils se donnent à 2000, quoi. C'est un truc de malade, quoi. Ouais, c'est vraiment un truc de malade. Et ça, et l'impact, pour l'avoir vu de mes yeux, bah, du coup, je suis forcément très sensible. Ouais. Et il est vraiment colossal, quoi. Carrément. Alors, du coup, j'ai une assaut parce que je. Ah non, mais tu vas la. T'es quoi? Tu vas la défendre. Non, non, mais ça m'a fait penser. Je te refais un quiz. Ok, d'accord. Non, mais oui, bien sûr. Tu te les. Oh, il va sortir la plus dure. Ah, je suis obligé. Regardez Perforas se fourbe. Bah, il déteste les assauts. Il déteste ça. Oh, j'ai la haine. Perforbas. J'aime bien. Merci. Oh, ouais. Si elle est belle, elle aide à payer un loyer. Si l'homme est d'elle, vous êtes sauvé. Elle est un ensemble de conditions, pas de doute. Elle peut avoir la frite, mais c'est en hôte qu'on l'écoute. Qui est-elle? J'ai même pas compris les mots. Oh, je répète. Ah, je l'ai, moi, je l'ai. Si elle est belle, elle aide à payer un loyer. Si l'homme est d'elle. Si l'homme est d'elle, de ce qu'on cherche, vous êtes sauvé. Elle est un ensemble de conditions, pas de doute. Elle peut avoir la frite, mais c'est en août qu'on l'écoute. Qui est-elle? Oh, si vous êtes un peu jeune, vous devriez trouver. Oh, je suis Perforas. Attends, putain, attends. Si je me régale, tu trouves pas? Redites, s'il vous plaît, Perforas. Je vais frapper des gosses. Alors. Si elle est belle, elle aide à payer un loyer. Si l'homme est d'elle, vous êtes sauvé. Elle est un ensemble de conditions, pas de doute. Elle peut avoir la frite, mais c'est en août qu'on l'écoute. Qui est-elle? Merde. Oh, je suis content. Ah. Ah, je suis content. Quelqu'un là? Jamais tu parles de ton assaut. Mais non, en fait. C'est terminé. Non, non, laissez-moi un peu de temps. Laissez-moi un peu de temps, s'il vous plaît. Dans ta gueule, Adrien. Alors. Perforas, les 10 secondes sont écoulées. Sont écoulées. Je te donne la réponse. Oui, oui. C'était la situation. Et oui, oui, écoute bien. Et oui, si elle est belle, elle aide à payer un loyer, à avoir une belle situation. Ouais, okay. Si l'homme est d'elle, vous êtes sauvé. C'est l'homme de, la situation. Elle peut avoir la frite, mais c'est en août qu'on l'écoute. C'est Léna situation, bien sûr. Wow. C'est ça, bien ça qui m'a perdu. Oui, et oui, bah oui. C'est ça qui m'a perdu. Ah, dans ta gueule, wow. Tu sais quoi? Je suis tellement content que t'aies perdu que je te laisse parler de ton association. Wow. Avec grand plaisir. Wow. Sympa. Je me sens grand humilié, plaisir. Mais c'est gentil. Non, en fait, c'est l'association. C'est toi qui m'as fait penser du coup. Action Enfance. Qui est aussi une association qui en fait ils créent des villages dans plusieurs endroits en France où ils recueillent des enfants qui sont retirés de leur famille pour des questions de maltraitance, etc. Ouais. Et en fait j'y ai repensé parce que ils font tous les ans un truc qui s'appelle Action Enfance fait son cinéma. D'accord. Où en fait c'est des étudiants en cinéma qui font des enfants de l'association. Non non non. Ah non, qui viennent dans l'association. T'as des étudiants d'école de ouais, cinéma. Okay. C'est ça, qui font des films avec les enfants et qui demandent à des gens s'ils veulent bien participer au film. Et bien du sûr. Coup, moi, j'ai fait ça. Je sais plus quand c'était, en juin, je crois, un truc comme ça. Mousse. J'ai. Tu l'avais et fait j'ai aussi. J'ai même un rôle dans l'un des courts métrages. Enfin, un truc de figure quoi, avec ouais. Mélo. Ah, mais là, cette année. Ouais. Ah bah moi aussi cette et année. Rien aussi. Voilà. Et moi, ils m'ont pas proposé. Apparemment, je suis pas assez bien. Bah, et a... moi je suis pas acteur. Il y a la projection des courts-métrages oui, au Grand Rex. Au Grand Rex. Ah trop voilà. Bien, trop bien. Et du coup ouais, ils non, font mais... un taf enfin c'est ouf quoi. Et c'est assez aussi ça fait extrêmement mal au cœur d'aller parce qu'on a tourné dans un des villages et t'as des enfants qui ont vraiment 3 ans quoi enfin ouais. Qui sont déjà retirés. Tu te dis qu'est-ce qui se passait pour qu'ils soient bien sûr. Donc voilà un très travail qui doit être très dur et qui mérite d'être salué voilà vous pouvez aller voir sur internet tous les noms des assos elles sont aussi dans parfois il est parti sans dire au revoir ouais, oh non clair. Mais je suis encore là mais je me suis dit si j'arrive juste après l'ambiance est peut-être pas propice justement c'est bien je bande plus alors merci d'avoir Eh bien écoutez, voilà, moi je m'en vais dans mon fort. Merci avec Willy Rovelli et Méga Gaff. Or, je reviendrai très bientôt avec de prochains invités. Merci, au revoir. Au revoir, Perforas. Moi je pars sous des applaudissements. Il s'agit du flow de cast. Chers amis, alors, Mid et Lucas, vous devez y aller. Est-ce que vous avez encore oui, 10 minutes ou pas? Oui, évidemment. Bon, évidemment. Okay. Moi j'ai tout mon temps. 30 alors, minutes. J'ai tout mon temps. Juste... Je pars dans 30 secondes. Juste le temps. Parce qu'on a annoncé effectivement aux éditeurs que vous étiez tous les trois invités. Ils ont des questions Est-ce à que vous poser. Les gens urinent pendant le flow tu peux y aller quand tu veux, pendant l'émission, et on ne coupe pas. Où sont les toilettes? Elles sont au fond. Tu crois que tu sors et en fait tu vas à gauche. Mais c'est génial. Et c'est des urinoirs pour femmes en plus. Non, mais qu'est-ce qu'on est à l'aise. On est très à l'aise dans ce podcast. On est très à l'aise. Et bien alors, je commence avec une question, non pas pour Lucas, mais pour les autres invités. Mid, une question pour toi. Attends, excuse-moi, je l'ai perdu. Tac, tac, tac, tac. Oui, voilà. J'ai remarqué, je suis venu te voir en concert cet été. J'ai remarqué que tu dansais hyper bien. Waouh. Je l'avais dit à ta Est-ce que tu as pris des cours ou est-ce que c'est inné? Non, je danse pas hyper bien. Oh, arrête. Tu bouges bien, je pense. En fait, ce qui s'est passé. Autant Natou ne sait pas danser, comme sa célèbre chanson. Oui, autant toi, sûr. Tu te moues comme comme personne. Il faut savoir qu'il y a un an, j'étais vraiment, je savais pas mettre un pied devant l'autre. Et pour les besoins d'un clip qui s'appelle Together We Stand, bien sûr. J'ai pris un mois C'est pas celle-là. Non. Confond les chansons. Le manque de respect. De l'invité. Manque de respect. C'est toi ça. C'est toi. Dis pas non. C'est toi. Et j'ai pris un mois de cours de danse méga intensif où j'ai appris une chorégraphie pour ce clip. C'était le thème du clip. C'était d'apprendre une chorégraphie. Et c'était fou. C'était incroyable. J'ai adoré ça. Je pense que en fait, si vraiment j'avais le temps. Au lieu d'aller à la salle faire du vélo elliptique comme un débile. Mais pas du tout, enfin pourquoi un débile? Comme quelqu'un qui fait du sport, qui prend soin de lui. Non mais c'est que tu veux dire, c'est que la danse est une autre façon de faire du sport. J'adorerais faire de la danse. Et bah faire, qu'est-ce qui t'en empêche? Le temps. En fait, ce que j'ai adoré, c'est que j'avais du crois coup. Crois en tes rêves, man. C'est ce que j'ai vu sur Insta. Et pourquoi tu fais pas de danse avec les stars, mec? Oh là là. Je suis pas encore assez une célébrité, tu vois. Mais t'es non, pas non, mais avec une star, je veux dire. Oui. En même temps, des fois, quand on regarde Danser avec les stars, les invités, on se demande qui sont les stars. J'écris des tweets, j'écris des tweets. Mais oui, mais en tout cas, non, ce qui était bien, c'est que j'avais une prof particulière, qu'on a écrit une chorégraphie ensemble, qu'il y avait un clip au bout, il y avait vraiment toute une, une aventure. C'est Kamel Wally. C'est un peu ça, c'est un peu ça. J'ai mais ça, c'est vrai, du Harry Potter. Moi, c'est pareil, en vidéo, je suis capable de faire des trucs que je ferais jamais en vidéo parce que tu sais, pour ton truc quoi. Et surtout, les cours de danse, t'es obligé de les faire du coup quand tu fais des cours de danse, c'est avec beaucoup de gens quand c'est pas pour un clip, quand tu vas faire du sport, la danse en sport. Oui. Devant des miroirs géants. Et j'ai pas particulièrement envie de me retrouver avec 20 autres personnes qui apprennent ça et qui seront sûrement bien plus forts que moi parce qu'ils font de la danse quoi. Mais c'est une notion de niveau. Parce que moi, pareil, quand je vais courir en salle de sport, il y a toujours un mec à côté de moi qui court plus vite et c'est pas grave, tu vois. Oui, mais non, c'est pas pareil. D'accord, bah je ferme ma gueule. N'avoir. Non, parce que la danse, c'est méga artistique. Courir, c'est mécanique, tu vois. Vrai. La danse, oui, t'as, mais y a une la danse, performance. Deux mecs qui. Ouais, voilà, il y a un truc de performance. Mais... Un mec qui danse mal a forcément l'air con à côté d'un mec qui danse bien. Enfin, les deux côte à côte, je veux dire, tu vois. Bah, c'est tu vrai. L'as bien encouragé en tout mais cas. Mais non, mais dans les cours de danse, personne se regarde. Chacun est focus sur soi. Il n'y a pas de jugement. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais donc, oui, j'avais pris des cours de danse. Et ça m'a un peu débloqué aussi avec mon corps et ma danse globalement. Et ça m'a fait ça m'a parce fait qu'il bien. Il faut faire quand même des moves, même quand tu mixes et tout, tu sais, t'as un langage corporel qui est méga important en tant que DJ, un peu en vrai. Avec la main. Ouais, mais tu le taffes plus. tu fais ça. À un moment, tu fais ça. Et à un moment, tu dois leur demander s'ils sont chauds. Et il faut qu'ils répondent. Non, oui. Mais c'est toute la différence en fait. C'est qu'avant, moi, je faisais que DJ. Donc c'était derrière les platines avec deux ou quatre ou plus, enfin des platines, bref. Et maintenant il y a le live depuis cette année, depuis. Alors dis-toi, là du coup, c'est dis-toi que ça rejoint une autre question qui disait comment ça s'est passé cette tournée avec le live band. Parce que c'est vrai que la dernière fois que tu es venu, tu ne l'avais pas encore testé. Ouais. Et donc du coup, est-ce que vu que c'était une première fois, est-ce que t'as préféré, est-ce que c'est autre chose, c'est complètement une autre aventure. C'est-à-dire que en DJ, il y a un truc un peu plus de la nuit. Il y a quelque chose où je suis derrière des platines, je joue mes morceaux, mais les morceaux des autres aussi. C'est assez mortel. Hein, c'est une bonne aventure. Mais le live, je chante les chansons que j'ai écrites avec mon groupe. C'est en live, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'imprévus et le rapport avec le public, il est beaucoup plus fort en fait, parce que il y a un souvenir que tu laisses aux gens qui a rien à voir, parce que ils viennent, ils ont un peu leur moment spécial. Moi, je parle beaucoup, il y a beaucoup d'interactions avec le public, avec les gens, on se marre pas mal. Bah, et... oui, Timmy Chirac, je crois d'ailleurs. T'as un petit moment où tu fais ça, c'est en fait, je fais ma première partie avec un masque de Chirac avec un énorme marionnette. Ouais, et une marionnette. Et tu fais pas Mitterrand. Mais si, bah si. Bah oui, bien sûr. Nicolas Sarkomide, non. Beaucoup moins bien. Ouais, bah ouais. Mais Balkany a mis The Sun dans une story cet été. Et pour ça, on peut l'applaudir. Ouais, je veux bien les. Mais qui n'a pas mis de story avec The Sun en fait. Voilà, c'est ça. C'est vrai. Putain, Balkany. Mais ouais, donc le live et c'est une toute nouvelle aventure. Et j'ai bossé aussi avec un mec qui s'appelle Julien Lacroix, qui est en fait un coach scénique. D'accord. En fait, moi, j'ai fait un live il y a un an, avant le confinement, où ça s'est très mal passé. Parce que j'étais vraiment comme un enfant au tableau qui fait un exposé, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, j'étais derrière mon micro comme ça, je savais pas où regarder, je savais pas quoi faire. Et c'était un vrai exposé, faut le dire aussi. Et c'est un exposé. J'en disais, bah, mettez de la zik, mitochondrie. et en fait, j'ai appris qu'en fait, beaucoup d'artistes sur scène avaient des coachs. Des coachs scéniques, et que ça se faisait, et je le savais pas en fait. Il y a plein d'artistes que vous voyez sur scène, on fait ah ouais, eux ils ont tout tué, et je pensais que c'était un truc un peu inné. Tu te souviens pas que dans la Star Academy il y avait Oscar Sisto qui apprenait, mais c'était ça, il t'apprenait à être à l'aise sur scène via le théâtre, et c'était lié à ça. Bah j'ai fait ça, et ça a changé ma vie aussi sur scène, tu vois. Il y a vraiment eu un truc, c'est pas le mec va pas t'écrire de chorégraphie contrairement à la danse, mais il y a vraiment un truc des rendez-vous. Ça veut dire par exemple, si à un moment tu stresses, au lieu de stresser pour de vrai et mater tes yep et genre être un peu mal, il fait non, mais regarde, tu vas là-bas, tu regardes au loin, les gens ils vont kiffer. Si tu... Ou alors que quand tu racontes ça, tu peux faire ça, vas-y, déplace-toi là. Et bien en fait, ça m'a trop aidé et maintenant je suis beaucoup plus à l'aise. Quoi. C'est un ensemble de petites techniques en gros. Je peux pas vous les faire, il y a des petites techniques trop marrantes, tu vois. Je peux vous le faire, tu vois. Il y a vraiment ce truc-là de. Arrêter de regarder son mic, tu vois, de partir un peu du micro. Normalement, on dit si je chante, tu vois, comme quand je parle, je peux faire genre nanana, tu vois, j'arrête de chanter et je reste là. Là, c'est pas très chanteur, c'est un peu bizarre, tu vois, tu sais pas où tu. Et les chanteurs, vous allez remarquer maintenant que très souvent, ils laissent le micro devant eux, mais ils tournent la tête. C'est-à-dire qu'ils font ça comme ça. Ils chantent. Et hop, ils tournent la tête. Ils restent pas devant le micro. Et ils rechantent. Et ouais, ça donne. C'est vrai. Et ça donne une espèce. T'as le temps, toi, de te reconcentrer un peu. Ouais. et de revenir. Ah. Et il se passe un truc. Et il y a plein les de gens sont rechauds parce que ah, il revient devant le micro. Il est revenu. Ouais, il y a un truc comme ça. Qu'il reviendrait jamais. Et tu remarques que les acteurs ils font ça aussi, tu vois. De, ouais. Un truc qui est pas du tout naturel, c'est-à-dire de te parler comme ça. Ouais, et de tourner la tête. Et de finir la phrase. Et tout de suite, ça fait très acteur. Et il y a un truc qui se pose. Et c'est un truc d'énergie au final que tu taffes. Et ça aide. Après, maintenant, moi j'y pense plus. On a fait quand même beaucoup de concerts. Et ouais. ça rentre oui, un peu inné. En toi. Ouais. Et donc mais c'est des sacrés trucs et c'est... Moi quand je filmais les concerts d'Orelsan j'étais assez choqué du nombre de déplacements. Moi c'est ça où je trouvais que c'était un truc de... Enfin le mec faisait vraiment... Et effectivement c'est ce truc de pas oublier d'aller dans un coin de la scène. Parce que c'était dans des festoches beaucoup. Et tu dis bah oui parce qu'il y a des gens qui... Enfin si tu ne vas pas une seule fois tout à gauche ou tout à droite, t'as des gens vraiment ils passent un plutôt mauvais concert quoi. Mmh. Et à quel point ils sont chauds les gens quand juste tu t'approches d'eux. Mmh. D'un coup c'est ouais, et puis c'est pas particulièrement en toi de bouger autant par exemple. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que moi je fais mes chansons, je serais très bien si je les faisais assis sur une chaise, je serais content aussi, tu à vois. À la Cabrel. Ouais, mais il y a vraiment un truc où une scène de festoche, c'est gigantesque en effet. Donc faut que tu te mettes en tête ah non mais en fait faut que je marche, ouais. Et faut que je marche vite et c'est pas bizarre, c'est justement bizarre si tu ne les fais pas ces moves de d'aller voir, de parler au mec du premier rang, de parler au mec de tout là-bas. Ouais. Tu vois, il y a d'avoir ce truc et c'est non et en fait ça s'apprend. Ouais. Voilà. En tant que vétéran de YouTube, alors c'est un peu pour tout le monde parce que ça tu vas voir ça te concerne aussi Mid. Qu'est-ce que vous pensez des projets de regroupement? C'est-à-dire que c'est vrai que tous vous avez fait un peu. Nathalie, tu parlais des Lollers. Adrien a fait Golden Moustache. Toi, Lucas, c'est moins des rassemblements, mais t'as fait des trucs avec des groupes de streamers ou même par le passé avec Cyprien et tout. Toi, même quelque part, Mid, c'était avec Club Cheval aussi, où vous étiez un groupe. Comment on arrive à trouver son compte de temps en temps dans le regroupement, mais aussi dans ces trucs tout seul? Est-ce que quand, par exemple, Nathalie, quand t'as rejoint Studio Bagel, est-ce que d'un coup t'as découvert un truc où tu dis ah, c'est plus kiffant que ou moins ou machin? Comment t'étais non, par rapport à ça? C'est vraiment une transition de malade parce qu'à la base, je filmais mes vidéos avec un petit appareil photo, avec l'option caméra, enfin nul quoi, avec une qualité horrible et tout. Et là, on m'avait proposé ça et tu rejoignais un truc un peu professionnel avec des ingé-sons, réalisateurs. Oui, c'est vrai que ça faisait partie partie des premières vidéos du web qui étaient aussi produites et poussées quoi. Ah bah, c'était ouf quoi, chaque vidéo c'était incroyable en vrai. Ouais. J'avais l'impression que c'était le cinéma alors qu'en vrai là maintenant que tu te rends compte du truc, on faisait aussi plein de choses avec des très peu de budget, c'était ouais, fou bien quoi. Sûr, bien sûr. Mais bon, c'était vraiment une époque les bidous du bloc. C'était vraiment des gens qui se filmaient quand même chez eux avec des cams nuls, enfin tu sais, je sais pas, c'était quand même ouf. Moi je me souviens les premières vidéos de Bagel que j'ai vu, j'étais choqué quand même à l'époque. J'étais en mode waouh, il y a ça sur YouTube maintenant, c'est un vrai step. Quoi. C'était ouf. Mais c'était même un truc que je trouvais moins golden, mais peut-être même un peu stressant pour des jeunes créateurs d'ailleurs, même je trouvais. De ce truc, genre, oh, putain, donc d'accord, faut tout de suite de la thune quoi. Enfin, tu vois, ça pouvait envoyer sur la fiction. Oui, je parle, on savait pas que les deux pouvaient exister c'est parfaitement ça. Quoi. Ouais, exactement. C'est vrai. Mais je parlais plus peut-être de l'expérience de groupe. C'est vrai que toi, ah, comme tu dis, t'étais toute seule. Voilà. Oui, voilà, alors c'était plus ça. Et que en plus, je on avait vraiment ce truc, on avait un lieu avec un studio, on se retrouvait très souvent, limite tous les jours. Ouais. Donc c'était trop cool jusqu'à ce que Canal nous rachète. Oui, et du coup t'as un peu moins envie d'aller à Issy-les-Moulineaux. Un peu moins kiffé. Bah ouais, c'était moins cool. Bah, c'est ouais. Marrant, j'ai eu un truc similaire. Non mais en fait il y a non mais en fait moi je pense que ces trucs de regroupement c'est juste des trucs qui se font naturellement où t'évolues dans ton milieu. Il y a des gens qui font la même chose que toi et tu les kiffes, du coup tu rentres en contact, tu discutes avec eux, et puis de fil en aiguille tu te retrouves souvent à faire des projets beaucoup plus impliquants. Tu parles des Fit and Fun? Fit and Fun, non justement pas Fit and Fun, il y a des gens qui font des feats avec les mêmes gens toute l'année. Moi par exemple j'ai mon crew avec qui je fais des lives, ouais. Où il y a Locklear, il y a Dwight B, il y a, Gotaga et tout, ouais. Et à la base c'est juste des gens que j'ai découvert et que je kiffe, tu vois, avant de faire des trucs avec eux. Mais je pense que c'est pas vraiment calculé en fait tous ces trucs de se rassembler. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Moi pendant un an j'ai fait presque que des vidéos à plusieurs à un moment, ouais. Parce que c'est beaucoup plus facile que de faire des vidéos seules. Bah oui. Et c'est assez marrant. Même moi il y a un paradoxe où les gens une infime partie des gens aiment pas le principe de vidéo réaction et tout, ouais. Alors qu'en fait c'est 10 fois plus dur à faire en réalité une vidéo réaction intéressante qu'un truc à plusieurs. C'est vraiment beaucoup plus dur quoi. Ah bah oui, parce que tout repose sur toi. Oui, c'est ça. Bah ouais, puis tu sais, faut que tu sois sous ton meilleur jour, faut que tu sois bon en impro, machin, c'est un peu complexe quoi. Alors que les trucs à plusieurs, globalement, t'es avec un ou deux potes, ça peut que être bien, tu vois. Oui, tu vas juste marrer, ouais, vous tu te marres, machin. C'est beaucoup plus simple. Oui. Mais du coup, c'est bien d'avoir un peu les deux, voilà. Moi je kiffe les deux. C'est ça. Oui, et d'ailleurs, ça me permet de rebondir par exemple sur quand tu as fait SOS Streaming. C'est vrai que t'aurais pu le faire tout seul, mais tu l'as fait avec Locklear. Bah ouais. Et c'était parce que c'était une idée commune. Est-ce que c'était une idée commune qu'on a eu quand j'étais chez lui. Et au-delà de ça, le faire seul, je me serais, enfin, ça m'aurait ennuyé. Tu vois. Ouais. Moi, j'aime bien dans les gros trucs comme ça, toujours vivre. Je sais que je vais vivre un truc intense, ouais, parce que c'est tournage sur plusieurs jours, c'est plusieurs mois de préparation, etc. Et je me dis, vas-y, ce souvenir-là, j'ai trop envie qu'un pote que j'aime ait le même. Et qu'on en parle tous les ans, on se voit, on peut s'en parler, on se comprend, ouais, tu vois, on l'a vécu ensemble. J'aime bien vivre les trucs ensemble, quoi. C'est plus intéressant sur ce genre de projet. Et vous en avez prévu d'autres? Ou vous savez pas encore? Là, vous voyez. Je pense qu'on en fera un autre, ouais, avec une streameuse. D'accord. Et voilà. D'accord. Je pense. Bon, trop bien. Ouais, ouais. Super. Et ça te manque, toi, par exemple? Nous, des fois, avec Adrien, on en parle souvent. On se dit, putain, c'était quand même cool, des fois, à se retrouver en groupe, faire des vannes, machin et tout. Est-ce que toi, le côté groupe te manque? En même temps, c'est marrant. Dans tes vidéos, je trouve qu'on retrouve parfois un petit groupe. Enfin, tu vois, on revoit souvent Mélo ou ton, bah ouais, c'est toujours cool de faire des trucs avec des potes que tout seul, tout le temps, quoi. Donc, mais de la création, par exemple, est-ce que c'est un truc qui te manque? Ou est-ce que tu trouves maintenant ton compte ailleurs et tout? Bah là. J'ai décidé à la rentrée là, justement, de créer avec des potes, de faire vraiment des réunions d'auteurs et tout, ouais, que je faisais pas du tout. Enfin, je faisais toute seule. Oui, tu faisais au feeling un peu. Ouais. D'accord. Ah oui, donc c'est trop bien. Donc tu vas écrire avec des gens. Ouais. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est vrai que c'est un truc, d'ailleurs, faut le dire. Et toi, d'ailleurs, c'est trop cool. Là, Lucas, souvent, tu le dis que tu bosses avec Lorraine. Ouais. Enfin, c'est... Mais pas que. Et moi, il y a vraiment une équipe derrière tous mes trucs, une équipe assez énorme aujourd'hui. Pas forcément en édito, en créa, on fait globalement. C'est à ça que je pensais aussi, c'est le côté édito, c'est, ouais, que des fois les gens sont pas forcément. Ah si, moi je fais tout avec, ouais, Lorraine, mais pareil, ouais, enfin, de toute façon, tout ce que, même là, quand je fais de la musique, bah, Mid, ils m'aident, ouais, de fou. Parce que c'est, tu fais tout à deux. Enfin, je sais pas, quand tu fais un truc à deux, c'est déjà beaucoup plus agréable à vivre et le résultat sera bien meilleur. À deux cerveaux, deux avis, tu sais, ça évolue, tu vois, tu passes d'une V1 à une V2, 3, 4 hyper vite, ouais, et je sais pas, faire les trucs seul, moi ça m'a vraiment gonflé de ouf, ouais. Donc, franchement, je suis pas fan. Très. Et toi, Adrien? Ouais, toi c'était... Moi j'ai rien à dire. Yes. Oh, et wow, bah, et bah très bien. J'ai la flemme. Je comprends. Lucas, à la sortie de ton album, tu avais annoncé que tu travaillais sur une tournée. Étant donné que les concerts et les festivals reprennent petit à petit, est-ce que c'est toujours d'actualité? C'est vrai. Bah, on avait bossé tout un truc. Par rapport à la sortie, c'est ça qui est un peu chiant. Par rapport à la sortie, où j'avais fait, ouais, même des trucs, j'avais fait des répètes et tout, machin, enfin des répètes. Pas sur scène, tu vois, mais des trucs de où je chante tous les sons, moi, ouais, tu sais, en me regardant dans le miroir, en me disant, waouh, il faut peut-être que je vois le coach de Mid. Et réfléchir à une scéno par rapport, voilà, à l'album. C'est ça, tout exactement, ça, exactement. Ouais. Mais bon, voilà, il y a eu le Covid, tout ça, et là je continue, tu sais, j'affine un peu ma direction musicale, et c'est, ouais, Mid d'ailleurs qui produit la plupart des tracks que je fais. Et tu sais, je me suis un peu plus trouvé, et je vais continuer à me trouver, et je pense que ce truc là déjà, là j'ai une grosse année YouTube avec beaucoup de concepts, tout, donc j'aurais pas trop le temps de partir en tournée, ouais, même si je voulais faire le studio dans le tourbus machin, ouais, mais j'ai envie d'être, de jouer plus de sons que je kiffe de fou, ouais, et donc d'attendre de sortir plus de trucs avant de faire une tournée, quoi. Oui, c'est vrai que là il y a un peu, c'est aussi pour ça que Ivy qui avait annulé sa tournée, c'est qu'en fait quand tu sors l'album et qu'après t'as une grosse pause, bah, même c'est difficile de rechauffer, ouais, les gens, ouais, t'es plus trop dans ta lancée, et puis je sais pas, c'est intéressant, enfin sur plein d'artistes ça fait ça, le Covid. Je regardais une interview de Ines Reg. Et Inès, elle disait pareil, elle disait, bah, en fait, elle est devenue connue avec une story Insta, et d'un coup, bah, y a un énorme buzz, excusez-moi, c'est le mot, autour d'elle. Et après, bah, y a un an et demi de pause, et maintenant, faut remplir des salles. Et tu te dis, putain, est-ce que les gens vont suivre et tout. Alors, ouais, elle, ça se passe très bien pour elle, mais c'est vrai que je comprends complètement le stress du truc, quoi. Enfin, ouais, tu vois, un truc, ouais, de, ouais, est-ce que les gens vont encore suivre ce projet, ou, tu vois. Moi, c'est juste pas le moment, en fait. Genre, ouais, je me dis, là, j'ai d'autres trucs à faire cette année qui me motivent énormément, et la tournée ne peut pas exister en même temps que ces autres trucs, quoi. Donc, voilà, je suis obligé de décaler. Très, très bien. Alors attendez, tac tac tac. Natoo et Squeezie, étant des précurseurs de YouTube, excusez-moi de vous le dire, selon cet auditeur, comment vivez-vous tous ces changements que le site a subi? On entend souvent des gens comme Joueur du Grenier, etc., en parler. Est-ce que vous sentez des fois cette censure ou ces trucs de droits d'auteur, etc., etc.? Je ne dis jamais d'insultes, donc je n'ai jamais été censurée. Oui. J'ai jamais. Oui, toi, tu sens pas les changements de trucs, non, machin. Après, oui, je suis dépassée parce que moi, j'ai vraiment commencé en mode fun et tout. Ouais. Là, ce qui commence maintenant, c'est vraiment carré, quoi. C'est vraiment. C'est créatif et en même temps, il y a quand même une grosse part de business. Ouais. Ils savent dans quoi ils mettent les pieds directement, quoi. C'est très pro et très jeune et c'est fou. Moi, je suis larguée, hein. En fait, moi, je trouve ça extrêmement bien évolué en réalité. Vraiment, en fait, sur YouTube, bon, déjà, aujourd'hui, il y a encore plein de gens qui vivent les. C'est un gros sujet, je vais essayer de condenser de fou. Vas-y, vas-y, ça intéressera les gens. Il y a encore plein de gens qui. Et mid trop en retard, c'est pas très. Plein de gens. Oh, ça va, ça va. Plein de gens vivent les conséquences de l'espèce de zone un peu floue de fou qu'il y a bien eu sûr sur YouTube à une époque où tu pouvais mettre une minute de musique copyright, ça passait. La fois d'après, ça passait plus. La fois d'après, on disait 5 secondes. Celle d'après, on disait bah non, pas du tout. Après, on disait non, mais quand c'est parodique, c'est ok. Bon, bref, en gros, c'était genre la loterie, quoi. Ouais, bien sûr. Sauf qu'à un moment donné, c'est plus devenu la loterie. C'est devenu très très très sérieux. Les règles ont été définies en cours de route, mais elles sont rétroactives. Ouais. Donc, du coup, tous les mecs de l'époque, et JDG en première ligne de front, ouais, lui en plus, il a pris fond, tarif. En plus, ouais, c'était à fond. Bah, vas-y, et tu sais, c'est trop cool. Même Léna, dans ses vlogs d'août, elle s'en bat les couilles, elle met des sons. Ouais, mais Radiohead, ouais, bah, ouais, couilles, parce que ouais, ça met une ambiance différente. D'un coup, c'est mieux que les l'énième musique clip de droit que t'as entendu dans 10 000 vidéos. Dans tous les sketchs Golden. Non, mais tu vois, ça pose un truc beaucoup mieux et tout. Donc, bref. Mais en tout cas, ce qu'ils ont fait sur ce plan-là, copyright, etc., c'est qu'ils ont quand même mis des outils de fou en place. Maintenant, tu peux cutter des bouts de ta vidéo alors qu'elle est en ligne. Ouais. Et moi, ça m'arrive toutes les semaines. D'accord. Toutes les semaines, je mets un truc en ligne. Et en fait, maintenant, il y a des boîtes qui achètent les droits de vidéos connues pour striker tous les youtubeurs qui ont réagi à ce truc connu. Enfin, bref, donc, ils ont mis en place des trucs pour lutter contre ça. Tu peux muter, cutter, etc. Et les règles sont claires. C'est genre. Bah, n'utilisez pas plus de 3 secondes ou ouais, c'est ciao. Ouais, ouais. C'est comme la télé, comme tout ça. Comme partout. Ah, ouais. C'est 3 mais... secondes ouais, ou ouais. C'est moins de 10, genre. Bah, c'est là où c'est encore un peu, genre. Bon. Mais peut-être comme la télé, ce sera un forfait. Je sais qu'à la télé, par exemple, les émissions comme D&Co ou tous ces. Enfin, je suis très vieux, ça n'existe plus, je crois. Mais en gros, les émissions de flux, tu vois. C'est les chaînes qui payent des tarifs à l'année et ils se servent justement dans un catalogue universel ou peu importe et ils mettent toutes les chansons de ce groupe là s'ils veulent, mais ils payent un truc à l'année ouais, mais qui est très cher pour une chaîne de par télé. Des indétus. Mais bah, donc exactement. Ce qui s'est passé avant qu'ils mettent ça en place et là où c'était vraiment genre c'était franchement c'était honteux de fou, c'est que sur YouTube quand donc t'as le robot de YouTube qui passe sur les vidéos et qui détecte quand un son est copyright. Ouais. Quand ce robot là il passe sur ta vidéo et qui détecte le son copyright. Bon, ça n'existait pas au début, mais entre temps, il y a un bouton où c'est vraiment genre muter la partie qui correspond ou ouais. Cuter. Ça, c'était horrible. Ou ça, alors ouais. Cuter la partie qui correspond. Ouais. Donc, ça, déjà avant, tu pouvais pas le faire. Ouais. C'est-à-dire, il détectait, il disait voilà. Et des fois, il coupait le son. Enfin, moi, je me souviens d'un YouTube où tu n'avais plus le son des vidéos. Ouais, des fois, fou, ouais, ouais. Du tout. Mais donc, maintenant, tu as ce truc-là où tu avais ce truc-là qui est apparu il y a quelques années où tu peux cuter en cours de route. Sauf que quand un ayant droit faisait un claim manuel, donc quand c'était pas le bot de YouTube, quand c'était un mec qui faisait ça. Là, t'as pas l'option. Ouais. C'est-à-dire, le mec, il disait, il y a ma musique, et le créateur, il pouvait rien faire, même si la musique durait 8 secondes. Il n'y avait pas l'option découpée. Et à l'époque, il n'y avait pas le truc de remontage YouTube, où maintenant, tu peux quand même remonter ta vidéo alors qu'elle est sur YouTube. C'est quand même poussé, quoi. C'est bah, horrible, vas-y, utilise ma musique. Non, maintenant, je pourrais couper. Attention. Alors, il faut savoir que cet été, donc, j'ai rencontré via Lucas Hugo Décrypte. D'accord. Et qui est un énorme fan de The Sun, mais c'est devenu une running si c'est joke. Juste pour nous dire ça, mec. Non. Ah, c'est tout. Bon, je dois y aller d'ailleurs. Il a décrypté un peu quand tu l'as vu. Il a décrypté grave et, okay. Et donc c'est donc devenu c'est une pas, joke. Plus que ça. C'est pas usurpé, c'est un vrai. Et pour emmener la blague jusqu'au bout et lui faire une petite surprise, on a whitelisté The Sun pour sa chaîne justement. Oh, joli. Ah, je savais pas qu'on pouvait faire et ça. C'était un petit cadeau. Oh, si, si, tout à fait, tout à fait. Trop cool. Incroyable. Bah, et, donc, et d'ailleurs, en parlant de ça, Twitch aujourd'hui, ils sont dans la même tourmente. Ah bah, ouais. Où là, quand tu utilises un son copyright et que c'est détecté, au bout de 3 fois, ta chaîne est supprimée. Ciao. Ah ouais, carrément. Ciao. D'accord. Et ouais. Encore une fois, il y a ce problème de rétroactivité. C'est-à-dire, ah bah, j'achète des abonnements à des sons, des banques de sons libres de droit. Ouais. Un an après. Il y a un mec qui est venu qui a repéré que ce son là est passé dans plein de trucs, il l'achète pour 1000 balles et il peut striker tout le contenu des gens. Ah ouais, ouais. Ça, je savais pas, c'est rétroactif. Ah c'est, ouais. Ça, c'est ça qui est affreux de malade. Et t'as très peu de sites qui achètent les droits, genre des sons à vie, enfin tu sais, des contrats genre de 10-15 ans, oui. En mode bon bah non, là les gars, c'est libre de droit, ça va rester libre de droit via notre service, etc. Et stop les conneries. Surtout quoi. Que les dépôts en tant qu'artiste, en fait, de déposer un morceau, etc., c'est pas méga contrôlé, tu vois. Tu peux très bien. Moi, ça arrive assez souvent, par exemple, que des gens sortent des morceaux sur ma chaîne Spotify, enfin sur mon compte Spotify, oui, avec leur nom, leur morceau, en fait. Et ils arrivent et parce arrive qu'en fait. La page Spotify. Ouais. C'est ouf. Ah ouais, et ça reste, et le temps de découvrir le truc et tout, en fait, le mec, il a déjà eu des clics, des trucs. Ouais. Ouais, c'est bizarre. Enfin bref, en tout cas, il y a ce gros débat du copyright aujourd'hui. Et l'autre débat, l'autre deuxième gros débat, c'était, tu sais, les vidéos un peu à risque. Donc quand tu as parlé de trucs un peu sensibles. Bah, là, c'était ce que disait beaucoup le joueur du grenier, je crois, là, sur le dernier truc, parce qu'il parlait de Duck Nukem, je crois. Et donc du coup, il y avait beaucoup de trucs de gougouttes et de machin, de gougouttes de nazis. Et du coup, de juste dire nazi, des fois, tu pouvais te faire. Même les meufs qui parlent de protection hygiénique, oui, voilà, c'est ou d'avortement, c'est banni, quoi. C'est ouf. En fait, ils ont eu le traumatisme. PewDiePie, YouTube, on se souvient du bad buzz de PewDiePie. Bien vous sûr. Vous souvenez, quel mot il avait dit? Vous pouvez me dire le mot qu'il avait dit? C'était en trois lettres. C'était une phrase. Oui, c'était une phrase. Ah ouais, atroce. Il avait fait une vidéo sur Fiverr, il a fait marquer une phrase méga dark horrible sur un carton. Le N-word aussi. Mais c'est même pas le N-word qui a entré le bad buzz, c'est vraiment ce truc-là de la phrase sur le carton que des Indiens secouent. Ils savent pas c'est quoi, est-ce qu'il y a marqué juste ils dansent, je sais pas quoi, bref. Bad buzz colossal pour YouTube qui a vraiment pris très très cher. Ils ont pris tarif. Ils se sont fait boycott et tout par tous les annonceurs. Enfin, attention, les conséquences étaient folles. Et YouTube, après ça, ils se sont dit bon, maintenant c'est simple. Le 0,0001% de chance qu'il y ait un truc problématique qui entraîne ça, on le prend pas. C'est ciao, Je suis très surpris qu'il n'y ait pas un uploader de vidéo. Après, j'y connais rien, ça a sûrement des trucs. Mais c'est abusif, hein. Attention, je défends pas ça. C'est surtout que c'est pas du tout calibré. C'est-à-dire qu'une meuf qui parle d'avortement ou de protection hygiénique, elle va se faire striker. Le nombre de complotistes et de mecs d'extrême droite qui continuent de faire des vidéos Et encore une fois, ils ont mal réglé le truc. Il y a ce truc un peu de hasard, encore une fois. Bien sûr, tu vois, hasard, des fois, sur les millions de vidéos. Et c'est comme ça, quoi. Mais c'est vrai que je suis. Mais peut-être parce que ça ne serait pas viable, mais je suis un peu surpris qu'il n'y ait pas une entreprise ou quelque chose qui sorte. Enfin, tu vois, même qui s'associe à des youtubeurs qui s'en plaignent souvent, et souvent, oui, les joueurs du grenier ou des trucs comme ça, de faire une espèce de version un peu. Non censuré, enfin pas non censuré, mais tu vois, de YouTube un tout petit peu plus libre avec quand même des règles aussi. Typiquement, Vimeo. Ça coûterait cher, ça ferait pas d'argent. Tu crois ça s'arrête là, la réflexion. Ouais, je pense qu'elle y aurait pas d'autres styles d'annonceurs, oui, non, oui, voilà, non. Les annonceurs prendraient pas le risque. Ouais, ciao, c'est ça. Fini. Ouais, ça donc pas. En fait, après aujourd'hui, bah, faut que je passe un coup de fil. Après, ce qui est... ouais, mais après, tu vois, ce qui est cool quand même aujourd'hui avec YouTube, c'est que les règles, au moins, elles sont claires. C'est-à-dire, il n'y a plus une sorte de flou autour des trucs. On sait, ils te disent clairement si vous parlez de tout truc. Qui fait débat ou qui est potentiellement problématique auprès ne serait-ce que d'une petite partie. Après, c'est un peu une dictature, quoi. Mais encore une fois, c'est des trucs informatifs super importants. Les meufs, oui, mais ta vidéo, attendez, ne mélangez pas, ta vidéo est supprimée et ta vidéo n'est pas monétisée, ça n'a rien à voir. Oui, mais du coup, tu peux pas en vivre. Bah, alors que t'as envie de faire des trucs informatifs. Mais c'est un peu le jeu de l'entreprise avec laquelle t'acceptes de bosser aussi, ça qui est. Mais bon, au moins, tu le sais, quoi. C'est comme Instagram avec montrer les tétons ou des trucs comme ça, tu vois. Il y a un peu un truc de. Ça aussi. Non mais tu vois, c'est un truc de c'est dit assez en fait, tôt. Après il y a quand même un thème commun à chaque fois. Les femmes quand même. Non mais c'est clair. Non mais surtout le vrai scandale YouTube sur ça, c'est tu regardes les clips et tout aux US, tu fais mais attends mec, il y a littéralement des meufs totalement à poil et pour d'autres personnes qui vont juste parler de. Tu veux savoir pour ta c'est pour l'algo. Et à côté de ça, oui, tu vois des filles parler d'avortement, etc. Ouais. Et là, ça passe pas. Enfin, tu sais, t'es en mode, mais attendez, vous êtes. C'est à l'américaine, quoi. C'est vraiment. Les States. Non, mais en fait, il y a une sorte de tolérance pour les clips. Ouais. Il y a une sorte de. On peut faire des chansons sur l'avortement. Oui, exactement. Exactement. Allez, on la compose maintenant. Voilà, let's go. Non mais oui, c'est pas pour conclure, c'est genre pas encore au point. Il y a eu du chemin de fou. Mais là, les trucs sur ce qui est vu, enfin, ils voient des trucs comme des. Il y a des sujets genre de société où c'est trop important d'en parler et on sait pas trop pourquoi, mais ils jugent ça comme des trucs problématiques et c'est relou, quoi. Bah, c'est chiant de ouf. J'ai une blague complètement à contre-temps, trop tard, mais je vais la faire. Et nulle aussi. Alors vas-y, Anne Midlalgo. Génial. On parlait de l'algo. Anne Midlalgo. Ah, ok. J'ai fusionné elle des trucs. Elle est excellente, j'avais pas compris. Avant de lâcher, Lucas et Mid, on va passer vite aux recommandations. Mid, est-ce que tu as une recommandation culturelle à partager avec nos chers invités et nos chers auditeurs? Ah, Au suivant. Vous revenez vers moi après parce que j'avais plus d'idées. Moi, je peux commencer. Vas-y. Ah non, je vais juste vous dire un truc. Ça va maintenant. Non, c'était juste pour te couper. J'attendais que tu commences. T'es un algo, mon pote. Mid l'algo, Anne. Il faut savoir que la dernière fois que je suis venu chez vous, j'ai parlé du rougail saucisse. Bien sûr. Donc, au lieu de faire une recommandation, je vais vous raconter une anecdote. Ah, okay. C'est pas ce qu'on dit. J'ai parlé du rougail saucisse. C'est ton émission. Au rue de Bretagne. T'es bientôt dehors, toi. Et j'ai et donc la personne chez qui je vais acheter ce rougail saucisse et mes petits sandwichs du midi, bien sûr, m'a remercié parce que grâce à vous, il a eu des clients qui sont venus spécialement. Ah ouais, génial. Ouais. Ça, c'est nous qui devrions remercier. Ouais, et il m'a dit de la thune, mais... les gens de la musique électronique sont quand même très sympas. La dernière personne qui est venue, c'était Thomas Bangalter des Daft Punk. Oh, oh. Mais qui était un ils client sont séparés à cause de la saucisse, malheureusement. Ouais. Bah parce qu'en fait ils mettent qu'une saucisse dans le rougail saucisse et ils voulaient pas la couper. Mais voilà, mais c'est ça. Voilà. Comme tous les groupes, hein, c'est terrible. Toujours une saucisse. Ah bah j'ai envie de faire de la pub pour un petit restaurateur aussi du ah coup. Bah, allez-y. Voilà. Il s'appelle chez Alain et apparemment bah, il fait les meilleurs sandwichs de Paris. Et donc j'y suis allée avec un pote et le mec, quand on est rentré dans sa boutique, il était en train de peler des oignons et de les couper en petites rondelles. Tout le monde pleurait dedans. Les vendeurs avaient des larmes aux yeux. Mais tellement ils le faisaient bien, c'est ça qui. Oui. On est resté le temps de la commande et puis on est sorti et même les vendeurs sortaient pour chialer dans la rue. Il y avait juste le bon Alain qui était posé avec ses oignons et qui les tranchait en mode dit tout comme va ça, bien. Ça a l'air affreux, mais. Non mais les sandwichs sont incroyables. Et qui ne pleurait pas parce que bah, sa vie a été très triste. Ouais. Est-ce qu'il y a des options un peu végé Oui, il y a de tout. Vegan aussi ou quand même pas? Ah, est-ce que quelqu'un a déjà fait une contre-recommandation ici ou pas? Oui, ça arrive. Dire surtout ne regardez pas tel truc. Par en fait, il s'est passé une histoire que j'ai pas racontée. Oh là là, là ça a l'air dark. Eh ben, j'ai une contre-recommandation contre une boucherie. Ok. J'avais moi toutes les boucheries. J'ai adoré. Mais... Ah, j'ai vu. Oui. C'est des trucs que j'ai fait sur Insta. J'adore. C'est ça. En fait, je vous explique. J'ai un Véligo. Donc un Véligo, c'est un vélo de la ville de Paris. Anne Véligo. Anne Véligo. Et je mets un... et donc il y a un petit endroit pour mettre son iPhone et je gare mon vélo et je reviens pour le chercher et à la place de l'endroit pour mettre l'iPhone il y avait une tête de poulet et dans le panier il y avait des pattes de poulet. Ah mais c'est ignoble. Ce qui est objectivement pas sympa. Et je regarde autour de moi que des immeubles d'habitation sauf une boucherie avec en effet des poulets dans la vitrine et donc je vais voir le mec et je dis pourquoi vous avez mis ça sur mon truc, vous êtes vraiment fou. Ouais. Et il me dit c'est pas moi. Et le mec, c'était un peu un c'était gros boucher, tu vois, énorme main. C'est pas moi. Je fais, bah si, c'est vous, regardez, vous vendez des poulets, vraiment, c'est peu, ça. Peu de boutiques ont des poulets, des pâtes de poulet. Et je lui dis, écoutez. T'as le nom de la boucherie ou pas? Bien sûr. Attends. Non, mais parce que j'aimerais lire l'avis après Google, parce qu'il a laissé un avis Google. J'ai laissé un avis Google pour ceux qui veulent. C'est quoi le nom déjà? Je la couperai, hein, t'inquiète. Bon. Vas-y, je te laisse terminer, pardon. Et donc, vous pouvez aller lire mon avis Google si vous me suivez. Je sais pas, il y a un compte, si le compte Mid YouTube, c'est mon compte Google Mid, du coup, vous pouvez voir mon avis. Waouh. Je pense. Est-ce que je peux lire l'avis à haute voix? Tout à fait. Pour les doigts. Ce matin, ce gentil boucher a accroché à mon vélo une tête et des pattes de poulet car j'étais garé trop près de sa moto. Quand je lui demande pourquoi, il me propose simplement que l'on se batte ce soir à 20h. Quoi? Je déconseille. Et qu'est-ce qu'il a répondu, ce con? Et alors il a répondu: je ne vous ai pas dit qu'on se batte ce soir à 20h, c'était juste pour vous expliquer comment on se gare. En attendant, c'est vous qui me dérangez dans mon travail. Car si je veux monter sur ma moto, bah, je suis obligé de déplacer le vélo de monsieur. Apprenez à vous garer correctement et pas n'importe où, ou allez apprendre le code de la route. Ce qui vaut un poulet coupé pour moi. Et donc, ce qui est assez excellent, et c'est pour ça que j'ai repensé à cette histoire. Version parce que... nulle de la mafia de la tête de cheval. Hier, il y a un fan qui m'a écrit sur Insta avec un screenshot de mon commentaire qui a dit: je suis allé, je voulais mettre un mauvais commentaire à la boucherie et j'ai vu ton commentaire. Ah putain. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de mauvais commentaires. Commerçante détestable qui parle extrêmement mal à son employé devant les clients. Ça, je déteste. Pas aimable avec les. En même temps, pas beaucoup plus aimable avec les clients. La patronne entre aisément au classement des commerçants parisiens les plus détestables. Mais pourquoi donc avoir choisi un métier au contact des clients lorsqu'on les déteste? Je crois qu'ils détestent encore plus les animaux, je crois. Quel manque d'amabilité. Il faut quémander un sac pour les victuailles que vous achetez et les comble de tout. C'est Charlemagne, le mec. Il faut les mettre soi-même dans le sac. Oh. Mais faudrait que tu te venges. Il t'a mis du poulet sur ton vélo. Non, parce que tu mets des platines dans sa vitrine. Le gars répond. Tu mets du tofu. Le gars répond: désolé, on vous a pas mis le produit dans le sac. Arrêtez de parler au téléphone, il ne peut pas vous répondre. Plutôt parler à un être humain. Mais que se souvient à qui il l'a fait. Mais ouais, c'est en assez fait, ça donne envie de le voir. Et faire une expérience. Ça pour moi, c'est ciao. Bon, ça c'est toi, Camille. c'est pas moi. Camille, non, non, Camille, et donc le mec. Vous êtes battu ou pas? Non. C'est, moi je m'étais dit, au début, je lui ai dit, je vais venir chier dans votre boutique. Je lui ai dit ça. Okay. Et c'est là qu'il m'a dit qu'on venait ce soir à 20h et il a pas dit on se battra, mais on s'expliquera. Et en fait, après, je me suis dit, si le mec est suffisamment fou pour être dans ce game, d'être méchant avec les gens, il y a moyen que je chie sur sa moto. Et je me suis dit, il peut peut-être me retrouver en vrai, tu vois. Si bah, surtout que t'as pris les commentaires et que t'es une célébrité. Ouais, en fait, je rentre dans une escalade. Non, faut pas y aller. Non, mais il faut pas y aller. Donc, beaucoup de gens se plaignent de la patronne aussi, apparemment, qui est comme le gars. Et quelqu'un, donc la propriétaire a répondu : la patronne, c'est ce qui fait tout son charme. La plupart des clients l'aiment ainsi que moi. C'est mignon. Et hélas, un horrible mec. Pardon, excusez-moi. En fait, la personne se plaint parce qu'elle s'est fait engueuler parce qu'elle est rentrée avec son parapluie. Et le propriétaire répond : dans le cadre de la gestion du risque et des vigilances prévues par le contrat de notre assurance, de notre assureur, nous sommes dans l'obligation de mettre à l'entrée un porte-parapluie et vous ne devez pas rentrer avec un parapluie afin d'éviter toute chute d'un client dans notre commerce. Bah n'importe quoi, tout simplement. Je sais pas, là je suis peut-être de son côté. Après. On a tous eu un peu d'empathie pour le, pour eux là, et ça nous a énervé d'avoir cette empathie. Est-ce qu'il y avait vraiment un porte-parapluie? C'est okay. J'en ai un autre, quelqu'un a mis un long commentaire et qui finit par à fuir point d'exclamation. Le propriétaire a répondu à fuir trois points d'exclamation. Mais c'est tout. Il est génial. Oh, à fuir carrément quoi. Génial. C'est ouf. Magnifique. Je sais même plus pourquoi on parle. Ah oui, c'était les recommandations. Et Nathalie, est-ce que tu as une autre recommandation pour le reste de la France? Bah, j'ai vu un petit film il y a 3-4 jours, ça s'appelle The Triangle. D'accord. The Triangle. Okay. Et en fait, ça m'a mindfucké parce que c'est une espèce de boucle temporelle et ça m'a captivé. C'est sur quelle plateforme? Je sais plus, Netflix. Ah, Triangle avec dans un bateau. Oui, c'est ça. Ah, je l'ai vu, très bon film de Christopher Smith. Ouais, je m'attendais pas à voir un truc il est sur Canal. Sachez qu'il est sur MyCanal aussi, okay. Je sais pas quoi. Triangle. Triangle alors. Ouais. Trop bien. Réussir à renouveler les trucs temporels, maintenant c'est pas chose aisée. Mais c'est pas récent. Non, c'est un film. C'est de l'horreur. Non mais c'est de l'horreur, mais t'es énervé, t'as balancé un truc. J'étais ridicule là, j'ai dit renouveler. Bah non, c'est pas récent, ferme ta gueule en fait. Je l'ai pas vu le film, j'ai vu zéro film. Il y a une idée que je vous spoil pas, que j'avais jamais vu dans un film de boucle temporelle, donc quelque part ça renouvelle quand même. Okay. Lucas, petit roco. Je recommande un jeu, c'est cliché. Non, tu peux. Peut-être vous connaissez. C'est un travail manuel. C'est deux jeux même qui sont faits par un studio qui je pense qu'il y a des gens qui jouent au jeu uniquement chez eux avec leurs copains ou copines. Et on a une époque où il y a plus trop de jeux en local. Moi, ça me rend un peu triste. J'aimais trop jouer devant un écran avec plusieurs manettes branchées à une console. Il y a Doc Gero qui a sorti son jeu Buisson sur Switch. Voilà, en parlant de multiplayer local, voilà, je le place. Oui, c'est cool. C'est un jeu multiplayer local et tu incarnes un buisson. Enfin, c'est très compliqué à expliquer, mais c'est sur la Switch. Non, c'est assez compliqué. Il y a ce studio qui a fait. Je pense que vous connaissez, mais je le dis au cas où certains connaissent pas, qui est vraiment deux jeux excellents. Un qui s'appelle A Way Out et un qui s'appelle It Takes Two. Okay. Et c'est genre des jeux où la mécanique de gameplay elle est assez excellente, vous verrez. Genre chacun joue, enfin l'écran est splitté en deux. Chacun, des fois tu te sépares de ton mate, tu viens un truc, mais tu dois quand même communiquer avec lui. Enfin, c'est assez excellent le gameplay que propose ce studio. Moi j'ai adoré. Ouais, It Takes Two, il est vraiment bien. Ouais. Et il y avait l'histoire. Ouais, avec ma meuf, on avait. C'est trop mignon. Et en plus il y a une histoire. Et le premier c'était A Way Out, d'accord, qui est aussi ouf, qui parle d'un mec qui se retrouve en prison. Que les histoires sont chouettes aussi. Ouais, c'est ça. C'est des histoires assez bien, tu vois. Et voilà, c'est un studio qui finance par Electronic Arts qui fait ça. Et je trouve ça assez excellent, franchement. Ouais, après c'est connu, je sais pas, c'est toujours bien. Et alors Adrien, pour finir, alors c'est un truc que beaucoup de gens ont déjà vu je pense, mais c'est la série Ted Lasso qui est sur Apple TV Plus. Ted Lasso, donc c'est l'histoire d'un mec qui est, en gros c'est l'ex-femme du propriétaire d'une équipe de foot anglaise qui hérite du club de foot et qui, pour se venger, pour saborder l'équipe de foot, dit je vais mettre à la tête du club, comme coach, je vais prendre un gars qui va être nul. Et donc elle prend un coach américain de football américain et elle lui dit mais venez, votre profil nous intéresse et tout. Et sauf qu'en fait le gars c'est le mec le plus qui a la meilleure volonté du monde, qui est hyper sympa, bonne patte et tout machin. Et en fait le bon, c'est pas spoil, mais c'est en gros le mec est tellement positif. C'est pas tellement positif, mais le mec il arrive avec sa super bonne volonté et tout. Et c'est exactement ce que j'avais envie de regarder en ce moment, quoi. C'est vraiment feel good, hein, désolé le terme est un peu galvaudé. Moi j'aime bien ce terme. Mais c'est totalement ça quoi. C'est vraiment, il n'y a pas de. Je sais pas comment, il n'y a pas de malice, il n'y a pas de truc ouais. machin. Il n'y a pas c'est d'ironie vraiment, un peu. Voilà, ouais. mais c'est vraiment juste cool. Et en même temps, ce qui est, c'est vraiment pas du tout manichéen, mais vraiment, ouais. c'est même extrêmement bien écrit à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas genre. Un méchant, un gentil, un machin. Il y a toujours un, il y a toujours, tu vois, les personnages. C'est pas extrêmement complexe dans l'écriture des personnages, mais au moins il y a ce truc de. Il te touche. Tout, ouais. Le connard, t'as un peu de l'empathie pour lui un moment, ouais. etc., etc. Enfin, c'est vraiment trop. Et c'est avec Jason Sudeikis qui est Jason un super Sudeikis, acteur. Voilà. Et je crois qu'il est d'ailleurs même co-créateur, non, Je sais pas, si peut-être, ouais. peut-être, ouais. J'ai vu Zach Braff avait réalisé des épisodes aussi. Enfin, et c'est vraiment. Mais, et d'ailleurs, le foot est. Complètement au second degré, si vous aimez pas le foot, vous pouvez totalement regarder. Sans branle. Et non, c'est trop bien. C'est là, et donc là, c'est la saison 2 est en cours. Et voilà. Non, c'est vraiment très, très chouette série. Et ben moi, je vais vous conseiller, alors c'est pas un film, mais en gros, c'est un peu l'œuvre d'un cinéaste qui s'appelle Satoshi Kon, qui fait des animés. Alors moi, il faut savoir que je suis très nul en animé. C'est-à-dire que tout ce qui est les séries que les gens ils disent, SNK, toutes ces choses-là, ouais, j'ai jamais regardé, mais même jeune. J'ai vite fait. C'est vraiment mais paraît-il, gars, mais en fait, c'est, je pense, soit t'as un peu grandi dedans, soit t'as pas grandi dedans. Le style animé, ah oui, faut oui, un oui, peu oui, y aller, oui, tu oui, vois, oui, si t'as pas grandi dans ça. Et je pense que c'est vrai avec Disney aussi, si t'as jamais regardé. Mais en tout cas, le style animé. Et Satoshi Kon, moi j'ai découvert ça, je me suis tout enfilé d'un coup. C'est un réalisateur qui est hélas décédé, assez jeune, vers 45-50 ans. Da Vinci Code. Da Vinci quoi? Satoshi Kon, ouais. Et ce qui est, c'est des films extrêmement originaux. Tu ne peux absolument pas deviner ce qui se passe. Il y a une, il a fait un film qui s'appelle Perfect Blue. Alors c'est pas du tout pour les enfants. Il faut vraiment pas le montrer à des enfants. Et tu te rends compte que ce cinéma a extrêmement influencé le cinéma hollywoodien récent. C'est-à-dire qu'il a un film sur Perfect Blue qui parle des idoles japonaises. Et c'est une meuf qui faisait de la pop, un peu les groupes d'idoles japonaises qui sont souvent 3-4 qui font des chansons devant les gens. Et elle décide de devenir actrice. Et en gros, elle a un espèce de double maléfique qui lui explique qu'elle fait n'importe quoi, que c'est une salope, etc., etc. Et en gros, c'est plus ou moins Black Swan, mais avec les idoles japonaises. Sauf que ça a été fait des années avant Black Swan. Et qu'en plus, pour le coup, le réalisateur de Black Swan avait essayé d'acheter les droits. Donc tu te dis, peut-être un petit truc. Et par exemple, il a fait un autre film, Satoshi Kon, qui s'appelle Paprika. Alors que je vous conseille pas en premier parce qu'il est assez bizarre. Qui est un truc sur une nana qui vit dans des rêves et qui revient dans la réalité. Et rêve et réalité, en gros, se mélangent. Et c'est littéralement Inception. Mais avec, avec beaucoup plus de malice dans les rêves. Parce que Inception, c'est assez terre à terre. Est-ce que ça a été réalisé avant? Et ça a été réalisé avant aussi. C'est d'accord. ça qui est assez fou. En fait, non, mais... pillé. Non, mais c'est ça qui est assez fou. C'est qu'en fait, c'est des films. À chaque fois, il y a un énorme concept et c'est ça faisait longtemps que j'avais pas vu des films où c'est impossible de savoir ce qui va se passer. Et à chaque fois, tu fais oh putain, oh la vache, oh mon dieu, machin. Donc, si vous voulez vous lancer là-dedans, je vous conseille de commencer par Tokyo Godfather, qui est le plus gentil. Et après, vous pouvez faire Perfect Blue. Et après, vous pouvez faire Paprika. Et okay. il a fait un autre film qui s'appelle Millennium Actress, auquel j'ai été un peu moins sensible, mais qui est vachement bien aussi. Je vous laisserai lire les pitchs un peu sur internet. Je vous en ai dit 2-3, mais Tokyo Godfather, c'est juste 3 SDF qui tombent sur un bébé dans une déchetterie et qui essayent de retrouver à qui il appartient. Et les dessins sont magnifiques. Il faut savoir que c'est des films qu'ils faisaient avec pas de thunes du tout. C'est-à-dire les qu'il dessins a... bah, les dessins sont c'est magnifiques. Ah, c'est, de... c'est ah, des c'est... films d'animation. D'accord. Ouais, c'est j'avais des animés. Vraiment pas c'est... compris ça. D'accord. Non, c'est des animés. Et non, c'est pour ça que je disais que quand on n'est pas sensible, ça peut être d'accord, rebutant. Et moi qui ne suis pas sensible, j'ai adhéré à 4 milliards de pourcents. D'accord. Voilà. Je vous conseille ces films-là qui sont vachement bien. Et si vous habitez Paris. Mais ça, c'est pour les Parisiens. Ils passent même au cinéma en ce moment, au Brady, qui est un cinéma vachement bien. Donc voilà, j'ai tout dit, je crois. Merci tout le monde. Désolé, je vous lâche beaucoup plus tard que prévu. On s'est excité dans des discussions et c'était vachement bien. On s'est marré. On fait un dernier petit tour de table. Donc, Mid, il y a toujours l'album qui est sorti, Born a Loser. Oui. T'as encore des dates? Ouais. Partout. Il y a un site, quelque chose pour voir tes réseaux sociaux. Sur Insta, peut-être. Ouais, c'est ouais. ça. Super. Je joue à la Cigale le 28 octobre. D'accord. Et c'est complet malheureusement. D'accord. Bon. Donc dans votre cul. Mais on va faire non parce qu'on on va faire un after party quand même qui sera pas le concert qui sera DJ mais du coup je pense qu'on va mettre des places, ce sera un peu la trop cool. C'est une surprise que tu es en train de gâcher. Non, justement. D'accord, OK. La surprise c'est maintenant. D'accord. Trop, non non, mais trop on va faire des places en plus pour l'after party et... trop bien. Voilà. Natou, comme je l'avais dit tout à l'heure, les podcasts pour maintenant dormir. Amazon qui arrive, enfin True Story 2 qui tout arrive avec un nouveau cast, un peu la seule rescapée de la saison 1, j'ai l'impression. Ils n'ont pas gardé les hommes. Ils n'ont pas gardé et les non. hommes. Et bim. Et non, puis après, il y a une petite surprise qui va se passer avec mon beau-père qui sera en feat avec un groupe. Oh, on n'en dit pas plus. Un groupe français avec des tubes et tout. C'est assez improbable. Génial. Et j'ai hâte de tourner le clip. On n'a pas pu le tourner début juillet parce qu'il faisait vraiment moche. Oui. Et on doit le tourner dehors avec, dans des champs et tout. Trop bien. Donc là, j'espère qu'il fera beau et qu'on pourra tourner ça en septembre. Super. Lucas, toi, tu as sorti un son récemment sur. Oui, ouvrez YouTube, voilà. Tu devrais apparaître vite à un moment. J'ai pas d'actu particulière. Non, mais là, tu continues les lives. Je continue les lives, je continue les sons, je continue voilà. YouTube, tout va bien. Mais c'était cool d'ailleurs, je trouvais, de sortir un son comme ça. Ouais, sur Spotify, voilà, et c'était machin. Cool. Ouais, j'étais cool. Content, j'étais très content de celui-là. Bon, la Fake Mid encore et d'autres. Trop bien. Et voilà. Génial. Bon. Merci tout le monde. Adrien, non, toi, je crois qu'il y a des trucs qui vont arriver. Non, ouais, je veux bien. T'es un enfoiré parce que des fois oui, je mais... te demande et tu me dis, bah non, bah comme d'habitude, rien. J'ai rien à dire là-dessus. Voilà, ça s'appelle tu demandes. C'est la politesse, en fait. Politesse, le consentement, tout ça. Oh là là, quelle ordure. Putain, si vous saviez. Une ordure. Je l'ai lu. Applaudis. Le bouquin. Un petit peu, s'il te plaît. Non, c'est trop. Je suis désolé. Ouais, j'aime pas quand c'est trop long. Ouais. Mais d'ailleurs, non, mais en plus, c'est rigolo parce que tu as joué dans pas mal de séries. Et donc, on va essayer, alors, selon ce qu'ils nous autoriseront à faire, mais je pense qu'on va faire des épisodes spéciaux là cette année. Bah, ce sera bien, ouais. Parce qu'il y a Derby Girl saison 2. Voilà, Derby Girl saison 2. Là, je fais mon dernier jour demain. Ah, d'accord, trop bien. Et aujourd'hui, j'ai fait mon avant-dernier jour, mais ils avaient oublié de me prévenir. Je tourne aujourd'hui. Donc c'était un petit peu compliqué comme journée. Et sinon, ouais, Visitors, la nouvelle série de Simon Astier, j'ai un petit rôle aussi. Génial. Bah, ça, c'est sûr. J'ai mangé avec lui ce midi. Oh là là. Et du coup, il va revenir très vite. Déjà, il va revenir nous parler de la pièce, le discours qu'il va enfin pouvoir jouer. Parce qu'avec le Covid, il a repoussé un an et demi à peu près. Et donc voilà, donc il reviendra nous en parler et parler de Visitors, bah bien sûr. Visitors. C'est Warner TV. Et puis, la Bonne Auberge qui reprend le 12 septembre, dimanche 12, donc on est content. Et il y a un autre. Et bien sûr. Quoi. Mais je sais pas si j'ai le droit de lui. Oh, je pense que hors de lui. Ah, je pense que tu as si, le droit hors de lui. Non, oui. Bien sûr, non, une série de Baptiste Lorbert. C'est un autre truc, oui. Avec mais t'as 1000 projets, mon pauvre. Avec Ramzy Bedia. Jérôme Niel. Et Adrien Méniel. Voilà. Bah, petit rôle, hein, encore une fois. Ouais. Mais très très cool et très hâte de voir ça. Et ce serait cool de faire un floodcast d'ailleurs avec Baptiste, Jérôme, Ramzy, pourquoi pas. Si, bah si oui, il va venir. Mais c'est devenu ton frérot de tout ça. C'est un frérot. Des fois, je mets une story et il réagit avec le smiley qui pleure de rire. Pas mal. Un vrai pote. Bon, voilà. Pas mal. On dit que c'est toi le nouveau Eric. C'est pour ça que je me suis rasé le crâne en fait. C'est le nouveau Eric. Voilà, et puis quant à moi, bah non. Déjà, on reprend les Floodcasts et ça fait très plaisir. Et d'ailleurs, ça me permet de dire oui. Cette émission n'a donc plus de fin. J'aurais dû le dire au début, je le dirai au début de la prochaine fois. On est à Frames, à Avignon. C'est ça que je voulais dire. C'est bien ça sûr, que c'est dire. Ça que je voulais dire aussi. En octobre, alors le week-end, le premier week-end d'octobre, que je connais par cœur en plus. Mais en gros, on va faire deux enregistrements, ça je peux le dire. On va faire un Floodcast normal et un Floodcast, je dis pas quoi, mais un petit peu particulier. Voilà. Si vous êtes des gens assidus, peut-être vous comprendrez de quoi on parle. Format spécial du Floodcast non, qu'on a fait donc c'est... peut-être c'est un truc avec les geeks, peut-être c'est l'autre truc que je dis pas. Je te crevais donc. Donc non mais donc voilà le week-end du 2 et 3 voilà bien c'est sûr. Ça tout, 2 et 3 tout octobre et donc voilà on va faire deux émissions donc bah voilà prenez vos places ça va être très cool et en plus il y a plein d'autres invités super que je connais par cœur en plus de tête. Non, pas trop. Non, mais ils sont pas confirmés encore si non mais toute la promo a été lancée là donc il y a Patrick Dans notre émission, qui sont invités. Il y a Patrick Beau, Fosseur de Film, Angle Droit d'ailleurs, on parlait de Twitch et de stream. Chrono Musique évidemment, le Sang. Art contemporain. Il y a plein de gens super. Donc voilà, au Frames Festival d'Avignon. Donc on se voit là-bas et ça va être super. Alain Soral. Ouais, et ça c'est plus surprenant. Ouais. Plus surprenant, ouais. Un choix édito qui m'a surpris. Ouais, qui nous a tous un peu surpris. Et bah, ça a été annoncé. Alors, la saison 2 de La Flamme. Qui va sortir, on ne sait pas quand, mais qui va rentrer en tournage, qui est une parodie cette fois-ci d'une émission d'aventure qui se passe sur une île. Est-ce que c'est Koh-Lanta? voilà, on va pas trop en dire. Est-ce que mais... les articles n'ont pas le droit de dire le mot Koh-Lanta et bon, tourne autour du pot, peut-être. Peut-être, on ne sait pas. Et alors moi, j'ai pas écrit les arcs narratifs de l'histoire. Je suis arrivé un peu plus tard sur le projet, mais j'ai pu écrire quelques blagues. J'ai pu écrire aussi quelques continuités de personnages par rapport à la saison 1 parce qu'il y a des gens qui reviennent. Et donc voilà, et ça rentre en tournage bientôt et ça sortira, je ne sais quand, j'imagine. J'ai regardé plus que tard. Très récemment La Flamme. La Flamme, ouais. J'ai regardé très récemment. Qu'est-ce que j'ai ri. Ah, c'est très gentil. En fait, je sens que ça couvre un certain champ d'humour et dans lequel il y a le mien. Tu sais, ça couvre. Tu vois ce que je veux dire? Et bref, trop bon moment. Bah, donc, c'est gentil. Voilà. Écoute, j'espère que la saison 2 plaira aux gens. En tout cas, voilà. Je suis pas sûr. Non, peut-être une grosse déception au final. au final. Eh non, attends, moi, j'ai pas dit un truc, mais je vous êtes même pas au courant, je crois. En octobre ou novembre, je suis dans un nouveau truc sur Amazon Prime aussi, qui s'appelle Celebrity Hunted, où avec Seb et 3 ou 4 autres binômes, je sais même plus. Tu ranges ta black card, par contre, tu te prends pour qui là? Non mais Lucas, il était en train d'acheter un truc sur Amazon en même temps que tu racontais des histoires. Donc non, je paie des frais de douane pour un truc que je dois recevoir demain. Voilà. Donc et, Amazon, et ils sont beaucoup plus chers que prévu. Ah ouais. Je suis grave la haine. Donc ouais, c'est un truc où on est plusieurs binômes et on se fait traquer par un faux GGN, hein, par la prod, hein, littéralement. J'adorerais que ce soit un vrai. Ouais, j'aurais fait une trois morts. Bon, j'aurais pu faire une dinguerie. Et c'était assez drôle, c'est de tryhard pour pas se faire trouver, plus de téléphone, plus rien et tout. Et donc je crois que ça sort en octobre. T'as le droit de dire qui est ton binôme? C'est Seb, ouais. C'est Seb, non mais il y a déjà eu les annonces. C'est Seb, les autres, il y a un autre binôme, c'est Ramzy, je crois. Il y a Ramzy avec Franck Gastambide. Il y a Dadjou avec un frère à lui dont j'ai oublié le prénom, désolé. Il y a Laure Manoudou. Et il y a Laure et Florent Manoudou. D'accord. Voilà, improbable. Et Adrien et moi. Ouais. Non. Et... Non. Ah ouais. Non. Ah si, côté la prod. Côté la prod. Oui, c'est ça. Ça fait partie du GG. On est sous les cagoules, exactement. Bah, merci beaucoup tout le monde. Merci encore. Désolé, je vous ai lâché un peu tard. Tout va bien. Et on a rigolé. On est très content de revenir en tout cas. C'est premier. Moi, j'ai kiffé de ouf. C'est cool. Espérons que ça enregistre. Oui, est-ce que ça a marché? Merci tout le monde. Merci beaucoup. Bisous. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.